son qui est de Luna à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 6h23 ce matin. C'est lundi 24 octobre et dernière semaine avec l'heure d'été. Ce qui veut dire que bah, il va falloir profiter du coucher du soleil relativement tôt, puisque dès la semaine prochaine, il fera nuit toute la journée. J'exagère, mais c'est pas loin. Comment va Julie ce matin? Je vais très très bien. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Hein. Moi ça se passe plutôt bien aussi. As-tu passé un bon week-end, Mickaël? Bah écoute, ouais, ça a été plutôt bien ce week-end, soleil et tout. Donc c'était plutôt sympa. Sinon, je suis resté coincé pendant 2h30 dans les embouteillages à Bruxelles samedi. Aïe, comment ça se fait? Ah oui, non, mais ils avaient tout fermé. Non, mais ils avaient tout fermé pour les travaux du RER ou je sais pas quoi. Non, okay. Et puis il y avait l'avant-première de Tintin qui m'a pris la tête. J'avais envie d'aller voir le film, ça m'a dégoûté là. J'en peux plus de Tintin. Ça fait déjà quelques semaines que j'en peux déjà plus de Tintin. Ah ouais, c'est comme là, j'avais envie d'aller en Libye, si tu veux, j'ai plus envie là. Ah oui, non. Je peux plus là. C'est-à-dire que là, y aller là pour les fêtes spéciales. Pour les fêtes. Nous n'irons pas en Libye. On compte aller avec Toff et Julie là pour les fêtes de fin d'année en Libye. On aurait été bien là-bas et tout. Il paraît que c'est très beau en ce moment. Déjà sans dictateur, on aurait été. Oui, puisqu'il a été trucidé quasiment. N'ayons pas peur de le dire. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, non, mais franchement, ça m'a saoulé là. Tintin, overdose. Mais déjà avant, c'était les Schtroumpfs, tu vois. Ah ouais, il y a eu les Schtroumpfs aussi. Je trouve qu'ils en font encore plus avec Tintin. Carrément les politiciens qui sont déguisés en Dupont et Dupont et tout. Moi je trouve qu'ils vont un tout petit peu trop loin. Mais ils n'ont pas un gouvernement à finir d'abord? Je dirais même plus. Deux gouvernements, un gouvernement de retard. Je suis pas sûr que ceux qui négocient l'ont fait. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils auraient osé. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Ok. C'est-à-dire qu'entre ça, le spectacle d'Arthur, les mecs, ils ont rien branlé le week-end. Il y a eu ça aussi. Oui, j'ai regardé le spectacle d'Arthur hier. Bon, ça va. Franchement, je préfère Arthur sur scène que Arthur à la télé, par exemple. Écoute, je ne sais pas. Moi, je l'ai écouté un tout petit peu samedi soir. C'est passé à la radio et. En avant-première sur la télé dimanche, je pense. Et moi, ce que j'ai en entendu, c'était pas terrible. Ah, mais ça dépend. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Dites-nous d'ailleurs, tiens, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous avez regardé hier soir Arthur sur RTL TVI? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien ou c'était pourri? Vous nous dites, tiens, ou est-ce que vous avez été à Forêt Nationale vendredi voir Arthur justement? Dites-nous si vous avez trouvé ça bien ou pas. Qu'est-ce que vous avez regardé comme chaîne hier soir? Eh bien, 3044 pour nous dire par SMS. Hein, vous nous dites, ou ça, c'est 50 centimes le message. Ou alors sur le groupe Facebook. Tiens, on va faire un petit sondage aussi sur le groupe Facebook. facebook.com/mikl officiel. Voilà, où on salue Lesti d'ailleurs qui est là. Il y a Alan aussi qui a répondu à mon petit message qui disait qu'on était là jusqu'à 9h30 du mat et voir s'ils avaient passé un bon week-end. Bon, aujourd'hui pas mal de choses évidemment. On va vous rembourser vos factures, ce sera tout à l'heure dans un peu plus d'une demi-heure. Si vous voulez que vous aussi qu'on vous rembourse votre facture, c'est simple, 6322 par SMS. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. J'ai une bonne nouvelle également, vu le nombre assez exceptionnel de gens qui ont participé pour gagner les iPhone 4S la semaine dernière, car oui, il y en avait plusieurs. On remettra le couvert très bientôt. Peut-être pas avec l'iPhone 4S, sera peut-être avec l'iPad 2. Bah dites-nous, tiens, aussi ce que vous voulez gagner. Est-ce que vous préférez un iPhone 4S, un iPad 2, un ordinateur portable, enfin je sais pas, hein, qu'on sache un petit peu là si vous préférez l'un ou l'autre cadeau. Vous nous dites aussi au 3044. Voilà, et puis bien évidemment les écrans plats, ça c'est à gagner comme chaque matin sur Fun avec la devinette qui colle ce matin, c'est celle-ci. Écoutez bien, c'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 6322, 1€ par SMS. Donc, c'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Pack Nintendo Wii ou écran plat à gagner ce matin. Donc, 6322, vous débutez votre message avec la réponse tout simplement. On aura aussi l'info de Julie avec de très mauvaises nouvelles, comme d'habitude, non? Non. Ah bon, d'accord, bah, ok, mais je pensais. Non, pas plus que d'habitude, bah, quelques morts, ça, que d'habitude, en fait. Une naissance, et puis tout va bien. Ah, pas de naissance. Non, ah, pas de naissance, bah, quelques des morts alors, mais écoute, tant mieux. Hein. quelle bonne solution, tiens. C'est pas mal. Bon, très bien, et puis on va s'écouter aussi pas mal de sons ce matin, avec notamment Ina qui arrive là, dans un instant. Avec un momento. Et puis on va faire chier du monde aussi, Toff, non? Non, pas ce matin, j'ai pas envie. Non, mais on va appeler qui? Je sais pas encore. D'accord, bon, bah si vous avez des propositions. D'accord, ok, on fait ça dans un instant. Sur Fun Radio à 6h27, c'est Ina qui arrive après les infos et un momento. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, 6h28 ce matin, c'est lundi le 24 octobre. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 comme d'habitude. Vous en avez pris justement l'habitude. Je vous répète la petite devinette qui colle avant de passer à l'info. C'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. On peut l'appeler également terrestre. Voilà, si vous avez peut-être un autre indice, Julie, peut-être t'as un autre indice ou pas? Ah, pour l'instant. Pas du tout. C'est bien que moi, à 6h30, j'ai autre chose en tête. Oui, c'est ça. Elle, mais elle dort. Voilà. Elle a son lit en tête. Je viens de me réveiller. C'est ça. Bon, proposer la lune, c'est pas la bonne réponse. Un œil, c'est pas la bonne réponse. Ça peut être un indice, cela dit au passage. Ça peut s'appeler pareil. On proposait également la lunette. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Si vous avez la bonne réponse, donc 6322, c'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. On peut l'appeler également terrestre. Voilà. Qui est-il? 6322, bonne chance. Est-ce qu'on peut dire oculaire? Oui, on peut le dire, ouais. On peut l'appeler comme ça également. Je vais donner un indice. Un putain d'indice. 6h29 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. L'info avant les autres, c'est avec July. Bonjour à tous. La Terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van, le plus puissant survenu en Turquie depuis des années, faisant, selon un dernier bilan, 217 morts et près de 1000 blessés. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes la nuit dernière. La population apeurée a dormi à la belle étoile. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. En Libye, le président du Conseil national de transition, Mustapha Abed Jalil, a proclamé la libération du pays. Des milliers de personnes agitant le drapeau vert, noir, rouge de la nouvelle Libye étaient rassemblées sur la place centrale de Benghazi, la deuxième ville du pays où avait débuté à la mi-février un soulèvement contre le régime de Muammar Kadhafi, tué jeudi dernier. Le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont quittés hier soir sans avoir encore finalisé un paquet de mesures censées répondre définitivement à la crise financière. Les Européens doivent finaliser un nouveau montage qui permettra de doper la facilité européenne de stabilité financière. Le délai jusque mercredi permettra notamment de consulter le Parlement allemand, très sourcilleux à ce sujet en raison des conséquences budgétaires faramineuses pour le pays. L'Allemagne qui demande justement à l'Italie de réduire sa dette de manière crédible. À Borkenaut, en province d'Anvers, l'homme de 84 ans qui avait blessé au cou son jeune agresseur n'a pas été arrêté. Pour rappel, hier midi, un adolescent de 16 ans a été tué par l'occupant d'une maison où il s'était introduit avec un complice. Les deux voleurs ont contraint l'habitant à ouvrir un coffre-fort, mais la victime a réussi à s'emparer d'un objet pointu pour se défendre. Les deux auteurs ont tenté de prendre la fuite, mais l'adolescent blessé par l'objet pointu est décédé un peu plus loin des suites de ses blessures. Enfin, en sport, football, 11e journée de championnat, Westerlo-Anderlecht 1-2, Courtrai-FC-Bruges 2-1 et Standard Zulte-Waregem 1-0. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Ina qui débarque avec Juan Magan. C'est un momento et avant ça, nous allons passer à la météo estivale. Profitez de cette journée, on annonce le retour de la pluie dès demain. Donc aujourd'hui, soleil maxima ce matin entre 1 degré dans les Ardennes et 6 degrés à la mer. Et cet après-midi entre 12 et 16 degrés. Très bien, donc profitez-en bien effectivement. 6h32 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle dans un petit instant et puis on va faire l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. C'est maintenant l'info en plus justement avec July. Eh bien, ce sont les premières chaussures GPS qui arrivent pour les... Attends, non. Tu vas comprendre pourquoi. Ouais, c'est bah pour les patients d'Alzheimer. Ouais. Ah, pas mal, la maladie d'Alzheimer quand même. 85 000 personnes en souffrent en Belgique. Ouais, ça c'est bien. Et ouais, elle touche quand même des millions de personnes dans le monde. Et on dit que ça ne cesse évidemment d'augmenter au fur et à mesure des années parce que forcément tu as cette maladie quand tu vieillis en général. Ouais. Et comme la population est de plus en plus vieillissante, et voilà, on sera de plus en plus ouais, à avoir la maladie d'Alzheimer. Donc ils ont inventé des chaussures GPS. Les premières chaussures donc équipées d'un système de géolocalisation, elles vont être mises en vente aux États-Unis. Et alors ils expliquent quand même que si vous habillez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer avec quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle s'en débarrassera. Et donc par exemple si c'est une montre équipée d'un GPS mais qu'à la base elle n'a pas de montre, eh bien elle va pas vouloir la garder. Alors que si tu dissimules ça dans ses chaussures, eh bien, ni vue ni connue, elle ne s'en rend pas compte et donc tu peux facilement la localiser si jamais elle s'enfuit. Donc ce sera au prix de 300 dollars, ce qui est ce qui n'est pas donné. Oui, ce qui n'est pas donné pour des chaussures, mais je trouve que c'est presque le prix d'un GPS il y a quelques années. Hein, enfin il y a quelques années, aujourd'hui ça coûte 50 euros. Hein. Mais alors, bon, ça va diminuer, j'imagine. Pour rappeler, oui, certainement, parce que ça va maintenant être commercialisé aux États-Unis. Alors pour rappeler, la maladie d'Alzheimer, c'est on oublie petit à petit toutes les choses. Quoi. Donc forcément, les gens oublient leur adresse, par exemple. Donc s'ils vont se promener, ils ne savent plus quel chemin reprendre pour rentrer à la maison. Bah, on oublie surtout ce qui est récent, en fait, en général. On se souvient des vieux trucs, puisqu'en général, les vieux, justement, qui ont la maladie d'Alzheimer. Ça commence par ça, oui, ça finit partout, évidemment. Parce qu'après, ils ne te reconnaissent même plus si tu es sa fille. C'est clair. C'est violent comme maladie, c'est clair. C'est assez violent. Donc voilà, ils ont. Tu vas nous casser le moral là ce matin. Voilà, c'est ça. voilà, bonne matinée. Bonne matinée, c'est lundi. Allez hop là, on parle de bonnes nouvelles. C'est chouette, c'est bien. Pas la maladie, mais en tout cas le GPS. Hein, le concept est bien. Il faut rappeler aussi qu'ils se battent pour trouver un remède. Un remède, quelque chose, un traitement, on va dire. Alzheimer. Très bien. Ils commencent à comprendre quelques petits trucs, donc il faut espérer. Bon, les infos reviennent tout à l'heure, évidemment, avec Julie. On parlera d'ailleurs d'autres trucs d'ici quelques instants. Donc restez là, et puis on aura la ligne anti-relou qui va débarquer d'ici quelques instants. La ligne anti-relou, c'est chaque matin, sachant qu'on sort du week-end, il y a du monde dans la ligne anti-relou, je vous le dis direct. Et on va s'écouter le son de Ina tout de suite sur Fun Radio avec Juan Magan. C'est Un Momento, 6h34. Bonjour, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la devinette qui colle dans quelques instants. Donc restez bien sur Fun Radio. Le son d'Ina sur Fun Radio avec Juan Magan à l'instant. C'était Un Momento. Il est 6h38. Bon réveil tout le monde. On vous remboursera vos factures. Ce sera d'ici une demi-heure tout pile. Si d'ailleurs vous voulez vous inscrire pour qu'on vous rembourse vos factures, un seul moyen bien sûr. Vous envoyez votre message au 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là par exemple 32,40€ pour une prise de sang. Il y avait 53€ pour la pharmacie. 129€ également pour Hospibut. 160€ pour une veste d'hiver, 250€ pour une poussette, il y a 150€ pour des immondices, etc. etc. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, débutez le message par facture. Dans un instant, je vous rappelle la petite devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats, et puis on va parler de Beyoncé. Et oui, Beyoncé. Qu'on ne peut pas gagner ce matin, hein, malheureusement. Non, tu ne peux pas la gagner. J'aurais bien joué sinon. Ah bon, tiens. Bon, ouais, donc pourquoi pas. Beyoncé, t'es assez chaud, ouais. Mais je te rappelle qu'elle est enceinte. Ouais, mais je m'en fous, hein, c'est juste pour le pognon. Hein. Enfin, elle est enceinte, on ne sait pas vraiment. Ah bon, elle est plus enceinte maintenant. Folle qui court sur internet et même dans les médias, dans la presse, c'est que Beyoncé ferait croire qu'elle est enceinte. Ah, et dans quel but, encore vendre déjà un album? Mais je ne sais pas. Il y a se faire élire comme un petit monsieur? Je ne sais pas du tout. Il y a déjà quelqu'un comme un petit monsieur. Il y a déjà quelques semaines, elle avait été reçue sur un plateau de télévision et au moment de s'asseoir, eh bien, on avait cru voir une espèce de faux ventre se plier. On trouvait ça. Enfin, il y avait un mouvement bizarre avec sa robe et donc beaucoup ont cru que c'était un coussin qu'elle avait à la place du ventre parce qu'un ventre ne pouvait pas se plier comme ça au moment où elle s'assoit. Vous pouvez facilement trouver cette vidéo sur internet parce qu'elle a beaucoup tourné. Et maintenant, il y a une nouvelle rumeur qui court, c'est que Alexandra White, qui a 40 ans, c'est l'ancienne assistante de Matthew Knowles, donc c'est le papa de Beyoncé. Ouais. Eh bien, l'ancienne assistante du papa de Beyoncé explique maintenant dans la presse que le papa de Beyoncé a voulu lui acheter son bébé pour le donner à Beyoncé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Donc elle lui a demandé, donc veux-tu bien que je t'achète ton bébé, je vais le donner à ma fille. Et elle répond, elle explique dans la presse que la première chose qu'elle lui a dit, c'est mais as-tu perdu la tête? Et donc que jamais, pour rien au monde, elle n'irait vendre son enfant. Donc c'est quand même une très très grosse rumeur qui court en ce moment. Donc si vraiment le papa lui a demandé d'acheter son bébé, on se pose de sérieuses questions sur la grossesse de Beyoncé. Mais quelle angoisse. Mais t'imagines un peu le truc, le mec il va aller acheter un gosse à quelqu'un d'autre juste pour n'importe quoi. Ça me paraît quand même très très gros. Surtout qu'il doit y avoir des millions d'hommes qui seraient contents de faire un bébé à Beyoncé, quoi. Mais même s'il n'y a rien derrière, hein, c'est juste pour lui faire un gosse, quoi. Alors moi j'ai un peu du mal. Moi j'aime beaucoup cette femme, hein, mais j'ai un peu du mal à croire qu'elle puisse faire une chose pareille. Donc ou alors elle ne sait pas avoir d'enfant et elle voulait faire croire qu'elle en avait un, mais tout ça apparaît un petit peu énorme. Apparaît un petit peu improbable. Bon voilà. Très bien. 6h40 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle là maintenant. Si vous souhaitez repartir avec des écrans plats ce matin ou des packs Nintendo, oui, c'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. On peut l'appeler également terrestre, mais malgré tout, ce n'est pas une map monde. Vous êtes nombreux à répondre map monde, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas des lunettes non plus, donc et c'est encore moins une map monde. Voilà, donc la map monde en est un. Là, ma pose en est un, mais ça n'est pas ça. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce que c'est. Hein. Ce n'est pas non plus une sphère map monde. Ce n'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message. Bonne chance, tout le monde. Et dans un instant sur Fun, c'est Niro qu'on écoute. Avec Promises. Bon réveil tout le monde, 6h41 sur Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil, 7h15. J'espère que vous passez une bonne matinée. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe sur les routes pour ceux qui se lèvent. Eh ben, sachez qu'il peut y avoir du bordel sur les routes. Et puis, pour ceux qui sont dedans, bah, n'hésitez pas à nous signaler des problèmes au 30 44 50 centimes. Le message, faites péter la fun solidarité. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Soyez prudents, accident sur le 40 d'Ostende en direction de Bruxelles, à hauteur de Alst. Et c'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 21.3. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah bah très bien. Et puis les éventuels problèmes habituels, quoique 6h45 normalement ça commence tout doucement. Monde, hein. Ouais, attends, ça commence. Moi à 5h du mat, il y a déjà quand même pas mal de monde. Moi aussi, non mais moi aussi je le vois sur la E19 là, il y a déjà beaucoup de monde. Je me dis qu'est-ce qu'ils foutent là? Ce matin, j'ai vu un mec. Ouais. Je suis sorti chez moi, il était à vélo en short, il faisait caillant. Je dis le mec, il est complètement dingue. C'est qu'on est déjà croisé à 5h30 qui font leur jogging. Non mais il y a un moment faut enfermer ces gens. Non, il y a des dingues. Ces gens vont pas bien quoi, c'est un truc de fou. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai. Bon, la ligne anti-relou maintenant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio avec Niro qui arrivera dans un instant aussi. Et nous allons maintenant écouter tous ces messages qui ont été laissés ce week-end sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est simple. C'est un numéro qu'on met à votre disposition, le 0-473-86-00-13. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à quelque chose. La ligne anti-relou, c'est vrai que pour l'instant, on se coltine à n'utiliser cette ligne que pour les gens qui viennent vous draguer. Mais ouais. En fait, ça peut très bien être un numéro anti-relou général. C'est-à-dire ouais. que si t'as ton banquier qui t'appelle, par exemple, tu lui donnes ce numéro-là, il tombe sur le répondeur. On n'a même pas besoin de le signaler pour qu'il y en a déjà qui l'ont déjà fait. Ouais, hein. Disons que c'est arrivé une fois. Donc, effectivement, la ligne anti-relou va s'ouvrir. Maintenant, vous pouvez effectivement le donner à tous les relous. Donc, ce n'est pas une question de drague uniquement maintenant. Vous allez vraiment pouvoir le donner à n'importe qui risque de vous emmerder. Par exemple, ça peut être, comme je le disais, par exemple, votre banquier. Hein. Vous lui donnez ce numéro-là si il va vous appeler, par exemple, pour un problème d'argent, etc., bah, il tombera sur ce numéro-là. Même, et c'est tranquille. Ou même des gens qui essaient de te vendre quelque chose. Ouais, voilà, comme ouais. ça. Moi, j'en ai eu un qui m'a harcelé pour que je prenne un abonnement dans une salle de sport. Mais c'était. Mais ça, c'est parce qu'il t'a croisé, ça, non quoi. Quoi ouais, c'est parce qu'il t'a croisé, ça, non un peu besoin, ouais. Non, pas du tout. Salaud. Pas bon, du tout. La ligne anti-relou. C'est qui faisait ça. C'est toi qui n'as pas compris. C'est ça, ouais. Bon, 0473-86-0013. Écoutez maintenant le premier message de ce matin. Bonjour cocotte, c'est Brian. Normalement, je devais me retrouver chez toi, mais bon, tu n'es toujours pas là. D'ailleurs, il y a le vieil homme qui m'a dit que il y avait pas de jeune fille qui habitait là, donc, je pense que tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais bon, de toute façon, je te retrouverai. Dès que je te retrouverai, je te ferai du mal. Oh là. Ciao. Oh, il est bon, c'est horrible. Je te ferai du mal. De toute façon, je te retrouverai. Dès que je te retrouverai. Super psycho. Oui, je te ferai du mal. Allez, deuxième message ce matin. Hey, c'était bon ce matin, ce week-end. Hein. Bonsoir. J'ai vu ton petit message. Donc, est-ce que tu veux bien prendre contact avec moi et essayer de me contacter tout le temps après 17h, s'il te plaît. Tout au long de la nuit. Merci. Bisous. À bientôt, merci. J'espère. Oui, après 17h. Et tout le temps, toute la nuit. Et tout au long de la nuit. Et laisse ton message. Je serai là, le d'Arthur Gessant, je t'attendrai. Bon, allez, troisième et dernier message pour ce tour-ci. Oui, coucou, Gislaine. J'ai vu le numéro de téléphone gravé sur un numéro de bus 0473. Et voilà, j'aimerais bien faire plaisir à ta connaissance. Voilà, tu es tellement belle, tellement bonne. Oui, c'est ça. J'aimerais bien faire plaisir à connaissance avec toi, voilà, Gislaine. Voilà. J'ai fait des énormes gros bisous. Ah. Et je pense à toi, très très fort. Bisous. Attends, le mec il dit qu'il est super belle, super bonne, ce que tu veux. Il a vu un numéro gravé dans un siège de bus. Ouais, mais c'est ça le relou. Mais ouais, mais alors il fait ouais, je t'aime, je pense beaucoup à toi. Arrête un peu, c'est dingue quoi. C'est une, c'est surréaliste. Enfin, mais c'est ça les hommes d'aujourd'hui. Bah oui. Bon, dans un instant on va parler de quoi. Alors on va appeler qui? On va appeler des gens. On va appeler des gens. D'accord, très bien. Voilà. Bon, 6h49 sur Fun. On fait ça dans ne un instant. Pas pressé comme ça de savoir. Je suis pas pressé, mais tout va bien là. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle également. Et à 6h49, on s'écoute le son de Niro maintenant. Son que vous aviez découvert sur Fun Radio, c'est Promises. Bonne matinée tout le monde. Il est 6h49, je le répète. Il est 6h52 sur Fun Radio. C'est parti maintenant pour... Bah, c'était le son de Niro et c'est parti pour la répétition de l'énigme. Alors attention, toujours un écran plat à gagner, écran plat ou alors le pack Nintendo Wii ce matin. Écoutez bien, c'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas la Terre. J'ai dit que ça pouvait être terrestre ou oculaire, par exemple. On en a tous un, enfin deux en théorie. En théorie, bien évidemment. Donc si vous avez la bonne réponse, écran plat pour vous, ou alors pack Nintendo Wii, c'est vous qui choisirez d'ici quelques minutes. On remboursera les factures aussi dans un instant, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc on appelle qui ce matin enfin? Eh bien nous allons vérifier la moyenne nationale. La moyenne de quoi? De quoi tu veux que je parle? C'est normal. Bon, en fait, bon, je t'explique, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir en France, qui donne la moyenne nationale en France. Hein, c'est l'Académie de chirurgie qui a fait ça. Des pénis français. Et donc, ils sont entre 9 et 9,5. Ah oui. Au repos. Ah, au repos. Oui, d'accord. Oui. Okay. Et donc, en érection, ça monte à 12,8 à 14,5. Mais... Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et donc là, on va appeler pourquoi? Bah, pour être sûr que les Belges sont mieux membrés que les Français. Ah oui, c'est connard français. Voilà. Et puis, c'est surtout pour vérifier que c'est moi qui ai la plus grosse. D'accord. Oui, bah, bien sûr. Bah, alors là, disons que c'est pas la peine d'appeler. Hein. Non, 9 cm, ce n'est pas énorme, Tof. Oui, c'est vrai. Et quand 14, on a appelé. 14. Quand on a appelé vendredi, d'ailleurs, non, quand on a appelé vendredi, ça a donné ça. C'était pas le même sujet, mais bon, on sait jamais qu'on tombe sur le même. C'est combien de temps que le programme? Elle va mourir, elle va se casser les couilles de l'autre côté, ça va? Voilà, ah oui, il est très gentil. Bon, on appelle où alors maintenant? Juste, j'ai une question. Comment tu sais, Julie? Mais pareil, il y a des photos qui tournent sur Internet. Ça, c'est vrai, par contre. Bon, on appelle où? Ah, tu vois? On appelle dans quelle région alors maintenant? On appelle à La Buissière. La Buissière, allez, c'est parti, on y va, on appelle pour mesurer la moyenne nationale. Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Tof? Rien. Ah, j'ai mis le mauvais? Peut-être. Ah, autant pour moi. Oui, parce que cette heure-ci, évidemment, alors on les appelle un petit peu avant. Mais pourtant, tu m'as dit celui-là, c'est le bon pourtant. Oui, mais il faut mettre la bonne date. Mais tu m'as fait de la merde. Non, c'est toi. Mais non, tu m'as fait de la. Ah oui, non, effectivement, oui, c'est moi, oui. Bah, alors, oui. Oui, bah, ça arrive même au meilleur, hein. Oui, bah bon, oui. Alors, du coup, c'est parti. Maintenant, on appelle à la buissière. Oui, toi. Eh ben, écoute, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est ça. Par contre, là, ça marche pas du tout. On est au top. Ah, voilà, parfait. Allez, c'est parti. Ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ah oui. Oui, écoute, c'est une visite demain. Allô, bonjour monsieur. Oui, t'écoute. Oui, bonjour, voilà monsieur. Je vous appelle parce qu'il y a une étude qui est sortie en France, hein, donc qui dit que la taille du sexe d'un homme au repos est de 9 cm et de 14 cm en érection. Et donc je voulais savoir en Belgique comment ça se passait. Écoute, explique-moi, Dandouille, hein. Téléphone à des heures plus tardives, ça va? Oui, d'accord, mais sinon, quelle est la taille de votre sexe en érection? Je te le dirai pas, Steve, d'enfoiré. Enfin, monsieur, vous pouvez... Je te le dis que non. Une moyenne, à peu près. Pas de faire foutre. D'accord, mais en centimètres. Ah oui, bon, faut savoir effectivement, que tu les appelles quelques minutes avant. Donc, ah oui, non, mais en fait, on l'a appelé il y a quoi? Il y a un quart d'heure, un truc comme ça. Même ouais, pas, donc, même oui, pas. Un quart d'heure, même pas. Donc, on va le rappeler, là, quand même. Hein. Allez, hop, là. Puis, il est tellement gentil. J'ai dit d'aller te faire foutre. Ah, c'était clair. Quel homme sympathique. Allez, encore un petit coup. Hein. Allez, allez, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Voilà. Je mets sur... Comment as-tu compris? Je n'ai pas compris pour la taille. Vous êtes plutôt dans quelle tranche? Je te mets tout de suite sur la déviation. La déviation de l'autoroute? La déviation. Il y a encore... Oui. Je veux savoir qui est l'andouille qui m'a appelé. La déviation du train, peut-être. Mais sur la déviation, ok, d'accord. Hein. Mais c'est dur, hein. 6h30 du matin. Ouais, wow, c'est un peu hard, effectivement. Ouais. Bon, et eh ben voilà une bonne un bon appel. Tiens, les gens motivés, les gens en pleine forme. On aura l'occasion d'appeler. Sympathique. Mais oui, on aura l'occasion d'appeler d'ici une petite heure encore une fois pour voir un petit peu comment ça se passe chez eux, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez des numéros, évidemment, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse les appeler. Hein. Envoyez-moi si vous avez des gens bien charmants. Bien sûr, évidemment. 30 44, on compte sur vous. 16h57 sur Fun Radio. Je vous répète, la devinette gagner de Kikol pour repartir avec les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. C'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas dès maintenant. 63,22, c'est 1€ le message et donc écran plat à gagner ou les packs Nintendo Wii. On proposait les yeux, c'est John de Grey qui avait proposé ça. Ce n'est pas la bonne réponse. Adrien avait proposé pareil. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Donc si vous avez la bonne réponse, on peut dire également que c'est un terrestre et il peut être, on peut en avoir aussi un oculaire. Oui. C'est un peu ça, voilà. Oui, tout à fait. Bon, la bonne réponse, allez-y, 63,22, bonne chance, on donnera la réponse dans un petit instant. On remboursera les factures aussi, mais on expliquera comment rembourser les factures dans un instant. On écoutera aussi le son de Licky Lee sur Fun. Avec I Follow Rivers. Et bonne matinée avec nous, 6h58 sur Fun Radio. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Et ce n'est pas des lentilles non plus, hein. Ni une matmonde. Fun Radio présente La Nuit des Publivores Swift de Jean-Marie Boursicot. Une nuit plus, plus, plus, vous en voulez encore plus? On vous a réservé près de 400 pubs triés sur le volet. Le meilleur du jamais vu, plus quelques perles à voir et à revoir. 6 heures de spectacle, tellement plus. Mais aussi des jeux, des animations, des cadeaux et une ambiance. Plus, plus, plus. La Nuit des Publivores Swift, le 4 novembre à Forêt Nationale et le 10 novembre au Forum de Liège. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. 6h59 sur Fun Radio, restez bien sur Fun, car dans un instant Licky Lee va débarquer avec I Follow Rivers et puis on aura aussi l'occasion eh bien, de vous faire vos remboursements de factures. En plus après un week-end, à mon avis la facture a dû être salée. Si vous êtes sorti, si vous avez peut-être été au resto avec votre copain ou votre copine, eh bien vous nous envoyez la facture et puis nous on vous la rembourse, hein. Un concept relativement sympathique. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 63,22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là par exemple 59,95€ pour un pull esprit, 113€ pour Belgacom, 95€ de Proximus, 32,40€ pour une prise de sang, 132,90€ pour la cotisation annuelle de la mutuelle, qu'est-ce qu'il y a aussi comme message, 156€ pour le cadastre, etc., 53€ pour la pharmacie. 63,22, vous débutez le message par pharmacie, pas du tout, vous débutez le message par facture. C'est dur, hein. Avec le montant et l'objet de la facture et on vous appelle peut-être dans 10 minutes, le temps de faire un point du côté des infos à 7h pile maintenant avec Julie. Bonjour à tous. La terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van. Le plus puissant séisme survenu en Turquie depuis des années, faisant selon un dernier bilan 217 morts et près de 1000 blessés. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes la nuit dernière. La population apeurée a dormi à la belle étoile. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. En Libye, le président du Conseil national de transition, Mustapha Abed Jalil, a proclamé la libération du pays. Des milliers de personnes agitant le drapeau vert, noir, rouge de la nouvelle Libye étaient rassemblées sur la place centrale de Benghazi, la deuxième ville du pays où avait débuté à la mi-février un soulèvement contre le régime de Kadhafi tué jeudi dernier. Le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Le délai permettra notamment de consulter le Parlement allemand, très sourcilieux, en raison des conséquences budgétaires faramineuses pour le pays par rapport aux mesures censées répondre définitivement à la crise financière. L'Allemagne qui demande justement à l'Italie de réduire sa dette de manière crédible. À Borchgraut, en province d'Anvers, l'homme de 84 ans qui avait blessé au cou son jeune agresseur n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. Pour rappel, hier midi, un adolescent de 16 ans a été tué par l'occupant d'une maison où il s'était introduit avec un complice. Les deux voleurs ont contraint l'habitant à ouvrir un coffre-fort, mais la victime a réussi à s'emparer d'un objet pointu pour se défendre. Les deux auteurs ont tenté de prendre la fuite, mais l'adolescent de 16 ans blessé par l'objet pointu est décédé un peu plus loin des suites de ses blessures. Et puis enfin en sport football, en 11e journée de championnat, Anderlecht a battu Westerlo 1-2, Courtrai FC Bruges 2-1 et le Standard a battu Zulte Waregem 1-0. Restez bien là, Likili. Dans un instant avec I Follow River, si on remboursera vos factures. Mais avant cela, c'est la météo. Profitez bien de cette journée, car on annonce déjà le retour parce de la pluie. C'est la dernière. Demain, belle journée aujourd'hui sous le soleil. Les maxima ce matin varient entre 1 degré dans les Ardennes et 6 degrés à la mer. Cet après-midi, entre 12 et 16 degrés. Très bien. Bon, ben restez bien là aussi. Dans un instant, c'est l'info en plus. Et je vous explique, pour ceux qui débarquent maintenant, on ne sait jamais, comment vous rembourser vos factures. Comment vous faire rembourser vos factures. 7h02 sur Fun Radio. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil, 7h03. On vous rembourse vos factures dans 5 minutes. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. On écoutera Likili aussi. Et l'info en plus maintenant avec Julie. Alors, l'info en plus qui m'a quand même. En tout cas, ça l'a fait rire, visiblement. Eh bien, c'est un homme en Irlande du Nord qui a trouvé une petite idée un peu bizarre. Il a voulu faire une expérience d'alchimie et il a essayé de créer de l'or. Mais avec quoi? Avec un truc certainement qui coûte que dalle. C'est gratuit. Ce sont avec ses excréments. Oh, mais qui est con, avec son caca, en fait, dire plus simplement. Ouais, donc, c'est ça. Il a essayé de créer de l'or avec son caca. Et en fait, il a voulu donc le mettre dans un chauffage électrique. Alors évidemment, l'homme dans était. Un chauffage électrique. Voilà. C'est-à-dire qu'hormis une odeur dégueulasse, c'est sûr. Je vois pas comment il aurait pu avoir de l'or. Enfin, bon. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a été jugé parce qu'il a foutu le feu à l'immeuble où il habitait. Donc il a forcément été jugé et condamné. Alors j'aime beaucoup les mots du juge au tribunal qui lui a dit: c'est une expérience intéressante mais vouée à l'échec. Sans déconner. Alors effectivement, alors son avocat a essayé de le défendre tant qu'il pouvait, en expliquant évidemment que c'est l'abus de drogue. Qui a poussé cet homme de 30 ans donc, qui a été condamné à 3 mois de prison et 12 mois donc 3 mois de prison ferme. Ah oui, pour, pour avoir tenté. Il a quand même foutu le feu à son immeuble hein. Donc Il valait peut-être mieux l'enfermer. Peut-être, oui. Donc voilà, il a tenté de faire de l'or avec son caca. D'accord. Cela dit, ça peut être une bonne idée pour toi, pour demain, pour les appels. Tiens, demande aux gens s'ils peuvent avoir leurs excréments pour faire de l'or. C'est pas mal. Que les mecs vont pas se marrer. Ça se passe donc en Irlande du Nord. D'accord. Ouais, bah ils sont bien barrés aussi là-bas. Ouais, ça c'est sûr. 7h04 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde et on va s'écouter Likili maintenant. C'est I Follow River sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite énigme, la petite devinette qui colle ce matin pour repartir avec les écrans plats. C'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. On peut dire aussi qu'il est terrestre ou oculaire. 6322, bonne chance. L'excellent son de Likili sur Fun Radio à l'instant. I Follow Rivers. Bonne matinée, 7h08 sur Fun. Comme chaque matin, nous allons payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. En écoutant Mika aussi d'ailleurs dans un instant, ce sera Elle me dit tous les matins la facture qu'on vous rembourse. Et tous les matins, ça peut tomber chez vous effectivement. Donc si vous avez envie qu'on vous rembourse vos factures, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est parti. Ah oui, effectivement, il y a toujours un son dégueulasse dans le téléphone. Hein. Donc ça n'a pas changé de ce week-end. Ouais, mais c'est parce qu'on a un super standard. Ah ouais, mais on a le nouveau qui arrive. Hein. C'est à espérer en tout cas. Alors. Bonjour. Oh, c'est un échec. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de... C'est dommage parce que pour le coup, la semaine dernière, on avait fait plutôt une bonne semaine. Là, on avait payé que des factures et encore des factures. Tu sous-entends que la semaine va être pourrie? Non, enfin, elle démarre mal en tout cas. Sonore. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Eh ben, je raccroche. Connasse. On se calme. Oui, bonjour à toi. Alors, je ne sais malheureusement pas qui tu es car on n'avait pas l'information en tout cas. Appelons-la 32,40€. Oui, bah voilà, c'est ça. Donc 32,40€, c'est le montant que tu voulais te faire rembourser. Malheureusement, bah, tu n'as pas décroché. C'est dommage. Hein. Quand on joue un jeu, c'est mieux de décrocher, surtout quand on sait vers quelle heure on appelle. C'est-à-dire chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10. Bon, bah tant pis, tu retentes ta chance quand tu veux en tout cas. Passe une bonne journée à toi. Et puis, bah, les autres inscriptions dès maintenant, on ne sélectionnera que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10. On sélectionne dans une heure, donc 6322, débutez le message tout simplement par facture. Voilà, avec le montant et l'objet de la facture, d'ailleurs ça tombe déjà dès maintenant, tiens, 79€ pour des billets de TGV, 100€ pour la redevance télé, 40€ pour l'électricité, 132,90€ pour la cotisation annuelle de la mutuelle, qu'est-ce qu'il y a également, 265€ pour la réparation du chauffage. Ah oui, bah ça commence à faire un peu cher, hein, ça c'est... Ouais. Ah bah oui, mais c'est le problème de l'hiver. On arrive à la période, hein. Bah oui, on arrive dans la période là. Donc bonne chance tout le monde, 6322, code facture, on va s'écouter le son de Mika dans un instant. avec Elle me dit. Et je vous ferai un petit rappel de la devinette qui colle aussi, mais très rapidos, parce qu'il y a des mauvaises réponses qui arrivent. Hein. Ce n'est pas un télescope que nous cherchons, bien sûr. Et tu connais pas le télescope oculaire ? Non, non, non, pas du tout. Michael. Et ce n'est pas un doigt non plus, car un doigt oculaire, c'est compliqué. Ou un doigt terrestre, c'est très compliqué. Ouais. Et ce n'est pas les testicules non plus. Excuse-moi, Cartman. À la radio. Ouais, bonne chance, hein. Donc pas testicules non plus, hein. Allez. C'était Mika sur Fun Radio avec Danse tous les matins à 7h16. On est là. On a aussi dans un instant l'horoscope de Doudou qui va arriver. Et dernière fois, là, je vous répète l'énigme de ce matin. C'est qu'est-ce qui se passe tous les matins. Oui, mais encore. Elle t'annonce, c'est tout. Ah, d'accord. Elle est en direct sur Fun Radio. Bah, merci. Radio. Merci. C'était pour ceux qui savaient pas, quoi, par exemple. Hein. Donc je suis là, tout va bien. Donc je répète l'énigme une dernière fois avant de donner la réponse dans 3-4 minutes. C'est un luminaire. Il peut être oculaire pour représenter. La Terre, sa forme est une sphère. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, n'hésitez pas. Donc, 63-22, c'est un euro le message. Il y a des écrans plats à gagner. Ce n'est donc pas un télescope, on l'a dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des testicules non plus, car un télescope oculaire, non. Un astre oculaire ou un astre terrestre également, non, c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, bonne chance. La réponse, c'est dans un instant. Avant cela, nous allons faire l'horoscope maintenant avec l'ami Doudou. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. À 7h17, comme chaque matin. Ça a été ce week-end, Doudou, là, où vous êtes bien reposé. Oh là là là là, reposer, c'est vite dit, hein. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Ah ben, il m'arrive que c'était le salon des marabouts ce week-end. Alors ah bon, ça existe, hein? Mais oui, j'ai dû travailler tous les week-ends pour faire des démos à des idiots qui ne reviendront jamais me voir. Bon, enfin, ça va, vous avez trouvé de nouveaux clients quand même. Ouh là là, voilà là. Vous savez, avec tous ceux qui travaillent par SMS maintenant, hein, c'est un peu la mode du métier. Ah hein. Bah ouais, j'imagine, ouais. Bon, bah on va faire l'horoscope, oui, ça hein. Vous changera les idées. Tiens, les béliers. Ah bah oui, alors les béliers. Des tâches intéressantes s'annoncent, de nouvelles chances pour votre carrière s'offrent à vous. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour moi, a priori. Les taureaux maintenant. Ah les taureaux, des tâches intéressantes, il y a eu un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, j'ai écouté deux fois la même chose. Ah, ça c'est emmerdant ça. Mais alors qui a raison dans cette affaire? Bah, c'était bon pour les béliers, mais je vais vous dire, alors pour les taureaux. Bah, pour les taureaux, bah, cherchez alors. Hein. Bah, oui, attendez, je tourne. Bon, bah, très bien. Parce que sinon, il y a Verseau, Fatou qui est Verseau, il y a Mandy qui est bélier, donc ça voilà, tu vois. On vient de le dire, il y a Fred qui est bélier aussi, tant mieux. Baptiste qui est balance et Amina qui est poisson sur le Facebook. Donc on attend, hein, Doudou. Ah oui, oui, je sais. Ah voilà, pour les taureaux. C'est ne craignez pas de faire des erreurs. Un ami vous aidera à prendre des décisions. Ah bah voilà, les gémeaux. Alors les gémeaux, attendez, c'est plus sur la même feuille. Ah bon, enfin bon, alors Doudou. Ah bah, oui, mais bon, écoutez, il n'est pas très organisé. Non, non, là, c'est un drame. Oui, on va vous envoyer en cure là chez Julie pour l'organisation, vous allez voir. Ah, oui, hein, vous allez revenir avec des coups de fouet. C'est pas ce qui s'est passé, ça a écrit deux fois la même chose. Bon, alors les gémeaux. Les gémeaux, tout. Tout le monde dans votre environnement professionnel ne vous vaut pas que du bien. Allez, cancer. Grâce à votre position particulière, vous allez régler des problèmes dans votre entourage. Ouais. Cool, c'était comme Julie ça. Les lions. Si vous avez des bonnes cartes en main, sachez les jouer vos atouts au bon moment. Les vierges. Les étoiles vous sont très favorables et votre rayonnement est impressionnant. Les balances. Tout ne va pas toujours comme sur des roulettes, mais avec un peu de travail, tout rentrera dans l'ordre. Les scorpions. Vos efforts sur le plan professionnel vont bientôt porter le fruit. Les sagittaires. Restez conséquents et sachez persuader. Ainsi, vous aurez du succès. Les capricornes. Écoutez les bons conseils de vos amis. Les verseaux. Afin d'éviter les problèmes, vous devriez plus que d'ordinaire prendre les désirs de votre partenaire très au sérieux. Et enfin, pour terminer, les poissons, Dodo. La traversée du désert de l'amour prend fin. Oh, c'est dommage. Et vous oui, allez pas pour qui, évidemment. Il était temps que la jachère s'arrête. Ben voilà, c'est ça. Bon, allez, si vous êtes, si vous voulez venir discuter avec nous sur le groupe Facebook, facebook.com/mikaelofficiel, dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Et on va s'écouter un petit son, tiens. Très bon son, le son maintenant de... Aventura. Obsession. Sur Fun Radio, 7h20. Qu'est-ce que j'allais dire? On aura les infos aussi de Julie, ce sera dans moins de 10 minutes. Et puis le remboursement des factures, bon, ça on aura l'occasion d'en reparler, ce sera dans 50 minutes. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Le son d'Aventura à l'instant, c'était Obsession. Il est 7h24 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, nous aurons l'occasion évidemment de vous de vous appeler là pour vous filer votre écran plat ou alors pour vous filer votre pack Nintendo Wii. Ce sera dans quelques instants avec la devinette qui colle. Mais avant cela, et oui, après la fin de Secret Story vendredi, c'était le grand retour de L'amour est aveugle. Ah, c'est une grande émission. Grande émission. Et alors, le casting était encore une fois grandiose. Alors, ils pour ont ceux... vraiment osé remettre ça à l'antenne. Mais c'était drôle. Ah, ça pourrait être drôle, c'était drôle. Oh, si, c'était drôle. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc L'amour est aveugle, le principe, c'est 6 célibataires, 3 hommes et 3 femmes qui vont se rencontrer dans le noir complet sans pouvoir se voir avant la fin de l'émission. Donc en fait, en gros, le but, c'est que les trois femmes se voient, elles, les trois hommes se voient, mais quand ils se parlent ou se rencontrent, ils sont dans l'obscurité totale, donc n'arrivent pas à se voir. Et après, forcément, à la fin, c'est le mec, il se fait parfois des films, ou la fille se fait des films sur le physique de l'autre. Ils peuvent se toucher, tout ce que vous voulez, mais rien, quoi. Il y en a quand même qui ont déjà réussi à presque avoir des relations sexuelles alors qu'ils s'étaient jamais vus. C'est exceptionnel quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est fort. Ah ouais, d'ailleurs, on va le présenter là. Et vous, qu'en pensez-vous? L'amour peut-il être aveugle? Oui, bah c'est pas vraiment pas sûr, effectivement. Et surtout quand on entend la présentation de Caroline, je vous laisse la présentation de Caroline. Je m'appelle Caroline, comme la tortue dans Boule et Bille. J'ai 26 ans et toutes mes dents et je suis juriste. C'est très dur, hein. Et non, surtout quand elle est juriste. Bah, la meuf, elle se met bien en valeur. Hein. J'ai 26 ans et toutes mes dents. Comme la tortue dans Boule et Bille, je pense que c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et ça vous donne envie, j'en suis certain. Eh bien, faisons connaissance maintenant avec les hommes. Faisons connaissance maintenant avec Didier. L'expérience aura réussi si jamais je rencontre la femme avec un grand A. Tu ne demandes pas une Claudia Choufleur, quoi. Qu'est-ce qu'il est con celui-là alors? Non, c'est pas possible. La femme avec un grand A. Et oui, et c'est donc Claudia Choufleur. Et oui, c'est donc ça la nouvelle orthographe. Hein. Alors parfois on dit que les mecs la racontent, mais les filles aussi peuvent se la péter un peu, écoutez. Et moi je suis astronaute. Astronaute? Astronaute. Non. Bah oui, j'aime tout le temps les mecs au 7ème ciel. Ah oui, c'est excellent. Ah, le casting est encore très très très bien recherché. Mais oui, ça c'est clair. Et alors c'est quoi ton idéal masculin, Julie? Mon homme. Non mais alors oui, mais bon, tout le monde ne le connaît pas. Décris-le, il ressemble à quoi? Ah bah alors il est beau. Ouais. Il a les cheveux plutôt foncés et il a les yeux verts. D'accord. Voilà, donc ce serait plutôt ça mon idéal puisque c'est mon homme. Oui, bah bien sûr. Bon alors. Fabrice va ressembler à 50-50 Pete Doherty et David Charvet. Eh oui, Peter. Ah, donc 50%. Eh oui, parce que quelqu'un qui ressemble à Peter Doherty, à David Charvet au milieu, tu vois, il y a un moment, il faut se poser des questions. Ouais, hein. Mais c'est là que je me dis, et ça me rassure que j'ai toutes mes chances. Ah oui, avec elle, ça c'est sûr. Bah oui, pour le coup, t'as tes chances, hein, ça c'est évident. Ah, mais ça, vous c'est l'avez évident. Pas vu une meuf comme ça, moi je la veux bien. Ouais, bah oui, bah peut-être, mais enfin bon, il y a un moment physiquement, c'est quand même très dur. Hein. En plus, comme elle est astronaute. Allez, oui, en plus, elle est astronaute. Alors. Bah c'est ça, alors évidemment, c'est beaucoup plus facile quand elle est astronaute. Bon, on va appeler quelqu'un maintenant pour lui filer les écrans plats. Et d'ailleurs, restez là, puisque dans une heure, on vous donne la réaction de quand ils se sont vus. Oui. C'est ça qui est important. C'est parce que c'est ça le plus drôle, évidemment. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous le remette, celui-là? L'expérience aura réussi si jamais je rencontre la femme avec un grand A. Eh oui, la femme avec un grand A, bien évidemment. Bon, allez, on appelle quelqu'un maintenant avec la réponse à la devinette qui colle. Qui est avec nous? Queenie, 22 ans de Bruxelles. Salut Queenie de Bruxelles, comment ça va? Salut, ça va bien? Bon, ben oui, ça va plutôt bien. Bon, alors Queenie, 22 ans de Bruxelles, tu as la réponse à la devinette qui colle, qui est la suivante. C'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement? Alors on t'écoute. D'où vient-il? Un globe. Mais oui, c'est un globe, Queenie. Ben bravo à toi, Queenie. Tu repars donc avec les cadeaux comme promis. Tu repars avec l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi? Je choisis le pack Nintendo Wii. Ah, il faut choisir le pack ou les Nintendo Wii. Hein, c'est la même chose normalement. Hein. Oui, la Nintendo Wii. D'accord, ok. Le pack Nintendo Wii, il est pour toi, Queenie. Je te fais des gros bisous. Oui, bisous. Un gros bisou à Laura. D'accord, ok. Bah, le message est passé, il n'y a pas de problème. Avec la langue. Gros bisous, Queenie. On va se faire dans un instant l'info de Julie, mais avant cela, on vous annonce également l'arrivée de Jennifer Lopez avec Papi. Restez bien là puisque nous, dans un instant, l'info arrive. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Voilà, l'info arrive, il y aura aussi le Lob qui va réveiller la Belgique pour Mickaël réveille la Belgique. Et puis nous aurons également la nouvelle énigme qui va débarquer dans un petit instant pour repartir encore avec des écrans plats ou des packs Nintendo Wii. 7h29 sur Fun Radio. L'info avant les autres, c'est avec Julie. Bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvre le premier procès d'une victime environnementale de l'amiante. Procès intenté par Françoise Jonker à la société Eternit qui fabriquait de l'amiante dans les années 60. Procédure entamée quelques mois avant de mourir d'un cancer de la pieuvre provoquée par l'amiante. Avant de mourir, elle avait fait promettre à ses 5 fils de poursuivre son combat judiciaire. Ils l'ont fait, mais depuis 2 ans, 2 d'entre eux sont morts à leur tour. Leur père, ingénieur à l'usine Eternit, qui produisait principalement des toitures d'amiante, est lui aussi décédé de la même maladie. La société Eternit compte soulever la question de la prescription. À Borkenhout, en province d'Anvers, l'homme de 84 ans qui avait blessé au cou son jeune agresseur n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. Pour rappel, hier midi, un adolescent de 16 ans a été tué par l'occupant d'une maison où il s'était introduit avec un complice. Les deux voleurs ont contraint l'habitant à ouvrir un coffre-fort, mais la victime a réussi à s'emparer d'un objet pointu pour se défendre. Les deux auteurs ont tenté de prendre la fuite, mais l'adolescent blessé par l'objet pointu est décédé un peu plus loin des suites de ses blessures. La terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van, le plus puissant séisme survenu en Turquie depuis des années, faisant selon un dernier bilan 217 morts et près de 1000 blessés. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes. La nuit dernière, la population apeurée a dormi à la belle étoile. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. En Libye, le président du Conseil national de transition, Mustafa Bejalil, a proclamé la libération du pays. Des milliers de personnes agitant le drapeau vert, noir, rouge de la nouvelle Libye étaient rassemblées sur la place centrale de Benghazi, la deuxième ville du pays où avait débuté à la mi-février un soulèvement contre le régime de Muammar Kadhafi, tué jeudi dernier. Et puis le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont quittés hier soir sans avoir encore finalisé un paquet de mesures censées répondre définitivement à la crise financière. Et puis enfin, sport, football en 11e journée de championnat. Hier, Westerlo s'est incliné face à Anderlecht 1-2. Courtrai a battu le FC Bruges 2-1 et le Standard l'a remporté contre Zulte Waregem 1-0. Et restez bien là sur Fun Radio, 7h31. Dans un instant, c'est Gilo qu'on écoute avec Papy. Mais avant ça, on fait un tour du côté de la météo. Profitez bien de cette journée ensoleillée. On annonce le retour de la pluie dès demain. Ce matin, maxima entre 1 degré dans les Ardennes et 6 degrés à la mer. Et cet après-midi, entre 12 et 16 degrés. Bon, et ben restez bien là sur Fun Radio car on va revenir dans un petit instant, évidemment, avec la devinette qui colle, qui va débarquer. Fun Radio. Fun Radio. Mais avant cela, évidemment, c'est l'heure de l'info en plus à 7h32. Alors l'info en plus, c'est une nouvelle invention. Ce sont maintenant les chaussures GPS. Ouais. Alors elles arrivent... À quoi ça peut bien servir, eh bien, hein. C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr. À quoi ça peut servir? Eh bien, non pas pour pister vos enfants ou votre mari, qui pourrait aller voir ailleurs, mais pour les patients d'Alzheimer. Alors, maladie qui touche quand même 85 000 personnes en Belgique et des millions de personnes dans le monde. Maladie qui touche en général les personnes âgées, donc forcément, on sera de plus en plus à avoir cette maladie, vu qu'on est de plus en plus à vivre longtemps. Ouais, à vivre vieux. À vivre vieux. Et donc, les premières chaussures équipées d'un système de géolocalisation vont être mises en vente aux États-Unis pour la modique somme de 300 dollars. Oui, ce qui n'est pas donné. Alors, hein. Ça commence un petit peu haut, mais à mon avis, ça va très vite évidemment baisser. Hein. Le prix va très vite baisser. Et alors, le fabricant de cette chaussure GPS explique que si vous habillez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer avec quelque chose qu'elle ne connaît pas, comme par exemple tu veux lui mettre une montre équipée d'un GPS, eh bien elle s'en débarrassera parce qu'elle ne connaît pas ce qu'on lui a mis. Par contre, si tu planques le GPS dans les chaussures, là, elle ne s'en rendra pas compte. Pour rappel, cette maladie d'Alzheimer, c'est la perte de la mémoire. Ouais. Donc si les personnes qui vont se promener et qui ont cette maladie, eh bien elles peuvent ne plus savoir où elles habitent. Ouais, et ne plus retrouver ouais. l'adresse. Et donc elles ont tendance même à aller se promener très souvent. Bah, l'idée est pas mauvaise, hein, c'est plutôt bien même. Non, donc comme ça tu peux facilement les retrouver et les localiser. Ça peut être très bien pour les hôpitaux parce que souvent ils vont faire un petit tour et on ne sait pas où ils sont. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, 7h33 sur Fun Radio, bonne nouvelle. Donc la devinette qui colle, la nouvelle, c'est maintenant. On donnera la réponse tout à l'heure et surtout on appellera quelqu'un pour lui filer justement et bien soit l'écran plat, soit le pack Nintendo Wii. On cherche un animal, je vous donne comme ça un indice directement. Il habite aux antipodes et chez nous on en voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode. Il prend appui sur sa queue. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, il habite de l'autre côté de la Terre. Hein, comme ça, vous savez tout. Hein, sur une espèce d'énorme île, qui n'en est pas une d'ailleurs. Si vous avez la bonne réponse, enfin qui n'en est pas une, on l'appelle pas comme ça en tout cas. 6322, c'est un euro le message. C'est un animal qu'on cherche. Il habite aux antipodes. Et chez nous, on en voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode. Et là, c'est ce qui devrait vous donner la réponse, cette dernière phrase. Il prend appui sur sa queue. Si vous avez la bonne réponse, 6322 pour vous permettre de gagner un écran plat ou des packs Nintendo Wii. Bonne chance tout le monde. On donnera la réponse tout à l'heure, comme je l'ai dit. Et à 7h34 sur Fun, on va s'écouter le son de Gillo maintenant. C'est Papy. Et juste derrière, c'est Love qui sera à Bruxelles, boulevard de Waterloo, pour un Mickaël réveille la Belgique. Si vous habitez dans le quartier, faites gaffe, vous allez peut-être vous faire emmerder par Love en train de hurler dans son mégaphone. Mickaël réveille la Belgique, c'est juste après Gillo sur Fun Radio. Bonne matinée. 7h37 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Nous allons dans quelques instants passer le son de Kerry Hilson avec Nelly. Ce sera Lose Control et nous allons accueillir notre ami Sébastien Loeb. Je sais pas si déjà là, Loeb. Ah bah non, il est pas encore là, Loeb. On va le prendre dans un petit instant. Loeb pour un petit Mickaël réveille la Belgique depuis le boulevard de Waterloo. C'est à Bruxelles que ça se passe ce matin. 104.7 pour écouter Fun Radio à Waterloo. À Waterloo et à Bruxelles dans l'absolu. On l'appelle et un petit réveil dans un instant. Avant ça, je vous rappelle la petite devinette qui colle. Il habite aux antipodes et chez nous, on en voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode. Et là, vous devriez trouver la réponse avec ce que je vais vous dire. Il prend appui sur sa queue. Qui est-il? Il habite de l'autre côté de la Terre sur ce qui est une île, mais qu'on n'appelle pas comme ça au final, hein, tellement c'est grand. Si vous avez la bonne réponse, et donc c'est un animal que nous recherchons, ça se passe au 6322, c'est un euro le message. Il y a des écrans plats ou des packs Nintendo Wii à gagner. Nous avons Love maintenant depuis le boulevard de Waterloo à Bruxelles, t'es là? Oui, je suis là. Très bien, avec un son bien dégueulasse, mais c'est pas très grave, en même temps c'est notre standard qui est comme ça, on va le changer bientôt, rassurez-vous. Lab, alors, donc un petit réveil à Belgique, tu as prévu le mégaphone? Oui, le mégaphone est pas avec moi. Bon, bah tant mieux, très bien. Et voilà, je pense que tout est prévu, tu vas pouvoir y aller maintenant, Lab, alors. Hein bah ouais, bah c'est parti. Alors. Eh bah c'est parti, on y va. Très bien. Voilà. Je vais déjà expliquer de ne pas crier dans un mégaphone, car le mégaphone était fait pour. Hein. J'ai failli lui rappeler, mais je me suis dit que bon, il avait compris quoi. Mais non. A priori non. Bah non, apparemment pas. Oui, en tout cas, le boulevard de Waterloo, effectivement, ouais. Bon bah très bien, alors tu peux revenir pour la déclaration express dans 40 minutes. Ok, allez, à tout de suite. Voilà, et si vous êtes fait réveiller par Sébastien Loeb ce matin, là, depuis le boulevard de Waterloo à Bruxelles, n'hésitez pas à nous le signaler aussi, hein. 3044 par SMS, je compte sur vous. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Et Kerry Hilson, avec Nelly, avec Lose Control. On aura la ligne anti-relou dans un instant et on fera un tour du côté des problèmes sur les routes. Restez sur Fun. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Il est 8h15 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On va parler maintenant de l'infotrafic. Quels sont les problèmes sur les routes, Julie? Eh bien, rien d'extraordinaire pour l'instant. Eh bien, ça ralentit bien sûr, hein, sur le 411, le 40, le 19, le 313, etc. Ah ouais, rien d'extraordinaire. Bon, rien d'extraordinaire, voilà. D'accord, très bien. Patience et bon, courage. Bah ouais, et effectivement, ouais. Et puis, si vous êtes témoin d'un accident, d'un problème, d'un embouteillage, d'un radar aussi qui serait planqué sur la route, là, n'hésitez pas à faire péter la Fun Solidarité. 3044, vous envoyez un petit SMS, ça vous coûte 50 centimes pour nous prévenir. Et puis, sinon, si vous voulez faire gratuitement, bah c'est sur le mail mikl@funradio.be. On va écouter maintenant les meilleurs messages de la ligne anti-relou et un retour de week-end, c'est toujours du lourd. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h, 8h et 9h moins quart. Kerry Hilson qui arrive aussi avec Nelly et Lose Control et les meilleurs messages maintenant. Ligne anti-relou qu'on met à votre disposition et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'étaient pas là à 7h moins quart, c'est-à-dire beaucoup de gens à mon avis, nouveau système. On ouvre un petit peu la ligne anti-relou. C'est vrai qu'à l'époque, depuis le début de l'émission, là, on est surtout cantonné à des messages de drague. Voilà, c'est quand quand vous croisez un dragueur ou n'importe quoi, un relou, vous lui donnez le numéro et vous en êtes débarrassé. Mais au final, qu'est-ce qui vous empêche de donner ce numéro de téléphone à tous les relous? Ça peut être par exemple votre prof qui vous appelle, tu sais, vous n'êtes pas venu à l'école ce matin, bah, vous lui donnez ce numéro-là en faisant croire que c'est le vôtre. Vous pouvez aussi le donner à votre banquier qui éventuellement vous prendrait la tête, au fisc. Ah bah oui. Bah oui, tiens, au fisc, c'est là. Une bonne idée ça, tiens. Ah bah oui, ça c'est la meilleure idée que tu puisses avoir. Mais oui, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez donner ce numéro à tous les relous, pas forcément ceux qui essayent de vous draguer. Voilà, 0473 86 0013, et tous les matins on les écoute. On va commencer par celui-ci maintenant. Oui, ma petite Julie, c'est Arnaud, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux bien écouter? J'ai la quelque chose qui colle. Allez, ma grande. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, mon ami. Oh bah c'était pour toi, ça, Julie. Mais c'est oui. Pas c'était pour moi, mais un tout grand merci à cet auditeur, dis donc. Mais ma journée sûr. Commence merveilleusement bien. T'as vu un peu, hein. C'est un auditeur qui est fan de toi. Cette oui. Petite chanson comme c'est ça. C'est la cagette qui colle. En même temps, elle connaissait, elle a chanté et tout. Bah bien sûr, qui connaît pas cette chanson? C'est vrai, ouais. Elle est dans sa voiture à fond de balle, un polo. Hein. Attention. D'ailleurs, c'était à l'époque sur Fun Radio que je l'avais entendu. C'est vrai, avec Max, la libre antenne. Tout à fait. Comme quoi, et ça remonte à 15 ans. Bien vieille, Julie. Julie était jeune à l'époque. 27 ans tout de suite. Elle était insouciante. Les auditeurs vont croire que j'ai à votre âge, 31. C'est faux, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 31 ans ni 32 ans. Non, tu as 35, bon, deuxième, c'est ça. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bonjour, cocotte, c'est Brian. Normalement, il devait me retrouver chez toi, mais bon, tu n'es toujours pas là. D'ailleurs, il y a le vieil homme qui m'a dit qu'il n'y avait pas de fille, jeune fille qui habitait là, donc je pense que tu t'es bien foutu de la gueule. Mais bon, oui. Attends, je te retrouverai, dès que je te retrouverai, je te ferai du mal. Il avait l'air en pleine forme lui. Et le dernier message pour ce matin. Bonsoir, j'ai vu ton petit message. Donc est-ce que tu veux bien prendre contact avec moi et essayer de me contacter tout le temps après 17h s'il te plaît, tout au long de la nuit. Merci, bisous, à bientôt j'espère. Et après 17h et... Contactez-moi tout le temps, hein, si possible. Et tout au long de la nuit, toute la nuit hein. Mais bien sûr, tout au long de la nuit. Bon, retour de la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. On vous remboursera vos factures également. C'est ça, c'est dans moins de 20 minutes. Et puis la réponse à la devinette qui colle, je vous la rappelle dans un instant sur Fun. On écoute Kerry Hilson maintenant avec Nelly, c'est Lose Control et on va faire chier le monde avec Toff. Ce sera dans 2-3 minutes. J'ai dit d'aller te faire foutre. Oui, en toute simplicité, merci à toi d'ailleurs pour ce petit message. C'était tout à l'heure quand on a appelé, quand on a appelé une personne pour le petit canular de Toff du matin. Hein, celui-ci, aujourd'hui, c'est donc vérification de la taille des pénis. Oui, c'est ça. Enfin, c'est la moyenne nationale. C'est ça. C'est-à-dire que je suis tombé sur une étude française. Française, voilà. C'est l'Académie nationale de chirurgie française. Voilà. Qui a donc pris la taille moyenne, qui est d'environ 9 cm, hein, 9 cm et demi au repos, et on va de 12,8 à 14,5 en érection. D'accord. Et tout à l'heure, quand on a appelé, donc effectivement, nous avons eu plusieurs réponses, dont celle-là. Tu as dit d'aller te faire foutre. Voilà. Au bon accueil, bonjour. Allez, c'est parti, on appelle maintenant. C'est une auditrice qui nous a envoyé un petit SMS. Oui. Appelez mon mari. Oui, c'est Isa. Voilà, Isa, on ne sait pas où, mais son mari. Bon, on appelle le mari d'Isa, en tout cas. Donc c'est parti, on y va, on appelle à 7h53. Long la détente, le mari d'Isa. Dort peut-être. Ouais, très long la détente. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle suite à une étude qui a été réalisée en France, hein, qui nous annonce donc que la... Il s'est raccroché au nez. On fait chier, ça te... Non, stop. Le truc a été raccroché, ouais, c'est très pas mal. Ouais. Bon, allez, on rappelle, on va le rappeler. Oui. Il avait l'air tellement gentil. Mais oui. Allez, c'est parti. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Je n'ai pas pu vous demander quelle était la taille de votre sexe en érection. C'est 3 cm. À 3 cm, monsieur. Ah oui, ce n'est pas terrible, terrible. Hein. Ça va faire baisser la moyenne, tout ça. Ben, je sais bien, mais ma femme, elle est contente. Hein. Ah bon, ben, c'est le principal, hein, si au moins ça lui fait plaisir. Ben voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie, monsieur. Hein. Il n'y a pas de quoi. Voilà, une bonne journée. Merci, au revoir. Vous pouvez Ah, connard. Ah, on a bien entendu le connard. C'est un peu le même que l'autre, hein. Ouais, c'est un petit peu le même bah, délire. Il se parle bien avec sa femme, hein. C'est sympa, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je lui ai dit 3 cm. On n'a pas encore une autre amie. Mais combien de racontes de l'apogramon? Elle va mourir, elle va se casser les couilles de l'autre côté, ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon, bah, 7h54, on appelle d'autres tout à l'heure? Bah, bien sûr. Bah, très bien. Si vous avez d'autres numéros à me donner, n'hésitez pas. Et piquet de grève HM, il tourne autour du petit rond-point route de Wallonie à Glin, 3 km plus ou moins de bouchons. Eh bah, bon courage. Mmh. On écoute Laurent Wery maintenant, c'est Hey Hey Hey. Et voilà le son de Laurent Wery à l'instant avec Hey Hey Hey sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura DJ Fresh, il y aura l'info aussi de Julie, et puis je vais vous annoncer encore une fois l'énigme. Petit rappel, il habite aux antipodes et chez nous, on en voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode, il prend appui sur sa queue. Voilà, on proposait un wallaby, ce n'est pas la bonne réponse. On proposait un marsupilami, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Il habite de l'autre côté de la Terre, hein, sur une espèce de grande île qu'on n'appelle pas île d'ailleurs, hein, tellement c'est grand, mais c'est le principe au final, hein. Et donc si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, et vous trouvez, si je dis il prend appui sur sa queue, c'est un animal qu'on cherche, voilà. D'ailleurs, est-ce la reine d'Angleterre, il va bientôt. La quoi? La reine d'Angleterre, il va bientôt. Oui, là où l'animal habite. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Des est-ce que quoi tu dis personnel avec la bien sûr. Non, attention, c'est le dernier voyage de la reine d'Angleterre. Oui. Après, elle ne pourra plus prendre l'avion, son médecin lui a interdit. Ah ouais. Ça, bah, dis donc, un beau voyage pour finir quand même. Hein. Ben ouais, mais enfin bon, c'est pas comme si elle allait au Portugal ou au Maroc, c'est un truc près quoi. Non. Bah ouais, attends, c'est la reine d'Angleterre, elle peut se permettre. Hein. C'est sûr. Bon, bah bref, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Et bah, on vous offrira peut-être votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Et restez bien sur Fun Radio, car dans un instant, c'est DJ Fresh qui arrive sur Fun avec Louder. Ça arrive sur Fun dans un instant, restez là, il est 7h59. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. D'accord. Truc s'est arrêté tout seul, c'est parfait. On est au top, il est 8h du mat sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, remboursement des factures, DJ Fresh et l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, grève des bus TIB à Bruxelles ce matin. 19 lignes de bus sont concernées. On ignore actuellement si des lignes de tram ou de métro sont touchées. Aujourd'hui s'ouvre le premier procès d'une victime environnementale de l'amiante. Procès intenté par Françoise Jonker à la société Eternit qui produisait principalement des toitures d'amiante. Procédure entamée quelques mois avant de mourir d'un cancer de la plèvre provoqué par l'amiante. Avant de mourir, elle avait fait promettre à ses 5 fils de poursuivre son combat judiciaire. Ils l'ont fait, mais depuis, 2 d'entre eux sont morts à leur tour. Leur père, ingénieur à l'usine Eternit, est lui aussi décédé dans les années en 2000 de la même maladie. La société Eternit compte soulever la question de la prescription. À Borkenhout, en province d'Anvers, l'homme de 84 ans qui avait blessé au cou son jeune agresseur n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. Pour rappel, hier midi, un adolescent de 16 ans a été tué par l'occupant d'une maison où il s'était introduit avec un complice. Les deux voleurs ont contraint l'habitant à ouvrir un coffre-fort, mais la victime a réussi à s'emparer d'un objet pointu pour se défendre et les deux auteurs ont tenté de prendre la fuite, mais l'adolescent blessé par l'objet pointu est décédé un peu plus loin à des suites de ses blessures. Le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont quittés hier soir sans avoir encore finalisé un paquet de mesures censées répondre définitivement à la crise financière. À l'étranger, la terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van, faisant, selon un dernier bilan, 217 morts et près de 1000 blessés. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes. La nuit dernière, la population apeurée a dormi à la belle étoile. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. En Libye, le président du Conseil national de transition, Mustapha Abed Jalil, a proclamé la libération du pays. Des milliers de personnes agitant le drapeau vert, noir, rouge de la nouvelle Libye étaient rassemblées sur la place centrale de Benghazi, la deuxième ville du pays, où avait débuté à la mi-février un soulèvement contre le régime de Muammar Kadhafi, tué jeudi dernier. Et puis enfin en sport football, en 11e journée du championnat, hier Westerlo s'est incliné face à Anderlecht 1-2, Courtrai a battu le FC Bruges 2-1 et le Standard l'a emporté contre le Zulte Waregem 1-0. DJ Flash arrive sur Fun Radio dans un instant, ce sera Louder et puis à 8h02, c'est la météo. Profitez bien de cette journée ensoleillée car on annonce déjà le retour de la pluie. Demain, ce matin, les maxima varient entre 1 degré dans les Ardennes et 6 degrés à la mer. Et cet après-midi, entre 12 et 16 degrés. Très bien, bah bon courage tout le monde. À 8h03 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On va vous rembourser vos factures dans un instant également. Je vous rappelle qu'à 7h10, ça n'a pas décroché, ce qui veut dire que on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Moralité, il vous reste 7 minutes pour vous inscrire. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans un instant pour vous rembourser cash vos factures. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h04 sur Fun Radio, c'est l'heure de l'info en plus. Quelle est l'info en plus ? Eh bien, l'info en plus qui est quand même assez rigolote. Vas-y. Alors, si vous aviez l'idée de fabriquer de l'or, vous allez prendre quoi comme objet, comme matière première, entre guillemets ? Pour faire de l'or ? Oui. Je sais pas. De l'or ? Ouais. Bon, du fer, je serais des petites vieilles et puis je récupère des bijoux, je la fous. Voilà, ce serait un petit peu ça. Eh bien, un homme en Irlande du Nord a eu une autre idée. Ouais. Il s'est laissé aller à tenter une expérience un peu bizarre d'alchimie. Il a essayé donc de créer de l'or à partir de ses excréments. Ah, donc son caca, en mots un peu plus simples. Et le problème, c'est qu'il a mis il a foutu le feu à son immeuble en fait, dans le même temps, puisqu'il a essayé de transformer son caca en or en le mettant dans un chauffage électrique. Mais donc oui. On se demande un petit peu ce qui lui est passé par la tête. Quelle bonne idée, tiens. L'homme a été condamné à 3 mois de prison quand même. Et le juge, j'aime beaucoup quand même la phrase du juge au tribunal qui lui a dit: une expérience intéressante mais vouée à l'échec. Sans déconner. Oui, on ne peut pas. On dit couler un bronze, ce genre de choses. Mais c'est voilà. Ça, oui, on ne dit pas couler de l'or. Hein. Non, pas encore, il aurait fait du bronze à la limite, pourquoi pas. Mais là, tout le monde le savait que chier dans son radiateur ça faisait de l'or. Mais non, mais pourtant, pas du tout. Alors évidemment, je précise juste qu'il était forcément sous l'emprise de. De drogue. T'as vu comment est Julie? Au début, quand on a commencé l'émission, il y a un peu plus de 2 mois, tu sais, c'était. Elle parlait. Mais là, on parle de caca. Ouais. Ah non, mais c'est quand même assez tu tournes mal, Julie. Ah ouais, je commence à mal. Permets-moi de te le dire, tu tournes mal. Moi, je t'en vous l'entendez pas pendant les pauses. Hein, ah ouais, pendant les pauses, c'est violent. Un jour, on laissera les micros allumés, vous allez voir. Oh là. 8h05 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Les factures, on va vous les rembourser dans un instant, comme je le disais. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle juste après le son de DJ Fresh avec Louder, ce qui veut dire aussi qu'il vous reste le temps de la chanson 3 minutes 26 pour vous inscrire. Et comme ça n'a pas décroché à 7h10, et ben on appelle quelqu'un qui se sera inscrit entre 7h10 et 8h10. Bonne chance tout le monde, il est 8h06 sur Fun Radio. DJ Fresh sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, il est 8h09. Dans un instant on écoutera le son de Jay-Z avec Kanye West et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You. Nous aurons aussi l'horoscope de l'ami Doudou bien évidemment. Et le rappel de la petite devinette là. Il habite aux antipodes et chez nous on en voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode. Il prend appui sur sa queue, normalement grâce à ça vous devriez trouver. Et qui est-il? Voilà, il habite de l'autre côté de la Terre, sur une espèce d'énorme île qui n'en est pas une. En tout cas c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Si vous avez donc la bonne réponse, n'hésitez pas, j'avais vu un phoque. Non, c'est pas un phoque, non. Si vous avez la bonne réponse également, n'hésitez pas. Donc 6322, vous débutez votre message avec la réponse tout simplement. Et puis on vous appellera peut-être pour vous offrir justement l'écran plat. On propose un Wallaby également, écran plat ou pack Nintendo, oui bien sûr. Voilà, 6322, bonne chance tout le monde. Nous allons maintenant payer vos factures. Tous les matins. Et on va rembourser combien dans un instant, teuf? 45€. 45€, très bien. Allez, on va appeler. Et puis je vous rappelle hein, le concept. Donc le but étant bien sûr que vous décrochiez à 7h10, 8h10 et 9h10. On vous appelle en direct pour vous offrir et pour le remboursement des factures. Si ça décroche et qu'on répond à la question, c'est gagné. Comme là, 69€ pour des vêtements. C'est bien 89€. Allô? Allô? Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Nickel, c'est la radio. Mais oui, bonne réponse. C'est-à-dire qu'avec cet argent, il s'achètera un GSM. Un vrai téléphone, oui. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Jérôme de Charleroi. Jérôme, c'est ça? Oui. Jérôme de Charleroi. Je ne sais pas où tu es, mais il y a beaucoup de bruit. Hein. Je suis dans mon camion. Ah, t'es dans ton camion. Ferme la fenêtre. Hein. Ouais, ça me met. Voilà, hein. Parce que s'il n'a pas les fenêtres ouvertes, ça veut dire que ça doit être juste un enfer hein, de rouler dans son camion toute la journée. Oh. Oh là là là. Quel enfer, un truc voilà, de dingue. Voilà, il a gagné, je propose qu'on laisse voilà. Ici. Bon, Jérôme, la facture, c'était combien d'œufs, j'ai oublié? 45. 45 euros, c'est pour rembourser quoi? Brutélé. Ouais, bah vous quoi, je crois que c'est ça le nom maintenant, ou numérical, enfin je sais plus, bref, la télédistribution. Dis donc, si on t'emmerde, tu le dis, Julie. Non, mais attends, on va pas passer des heures à décrire quel type de télé il a chez lui, quoi. Bon, Jérôme, mais non, c'est la télédistribution, oh là là. Bon, bah Jérôme, bravo à toi, on va te rembourser ta facture et tu restes au standard, on va te reprendre, d'accord? Ok, merci à vous. Bah je t'en prie, Jérôme, bon courage à ta fin quand tu vas le reprendre. Hein. Oui, ouais, t'inquiète. Pas sûr qu'il le reprenne d'ailleurs, il va peut-être l'abandonner là. Mais non, mais non. Voilà, si vous voulez qu'on vous appelle tout à l'heure sur Fun Radio à 9h10, eh bien, inscription dès maintenant, 6322. Vous débutez votre message simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Voilà. Ah, sinon, on proposait DSK pour la réponse à la devinée qui colle car il se tient sur sa queue. Oui, c'est vrai, on aurait pu, mais ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Dans un instant, l'horoscope de Doudou et on écoute, je vous l'avais promis, Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson maintenant. Why I Love You. J'aime bien ce morceau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'adore. Mais je trouve super bien. They do. Oh. Jay-Z à l'instant sur Fun Radio avec Kanye West et Mr. Hudson, Why I Love You. Il y aura Pitbull dans un instant avec Marc Anthony et Rain Over Me. Tout ça, ce sera avant l'info, bien évidemment, qui arrivera dans moins d'un quart d'heure avec Julie. Comme d'hab, il y aura la météo et l'info en plus aussi, évidemment. Nous donnerons la réponse à la devinette qui colle. Ça, c'est dans quelques secondes. Et avant cela, nous avons avec nous, évidemment, notre ami Doudou pour l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et voilà l'horoscope comme chaque matin. Doudou, vous feriez l'amour? Est aveugle, vous, va, Doudou? J'en vois pas, non, hein. Moi, je dois voir ce que j'achète, hein. Non, mais vous attachez de l'importance au physique, Doudou, là. Je vous pensais pas comme ça, moi. Ah bah, attendez, c'est comme au restaurant, hein. Quand vous voyez un plat dégueulasse, bah, vous n'en mangez pas, bah, là, c'est pareil, même si c'est bon. Oui, c'est bon, mais on parle de. On parle de femme, là. Oui, c'est même, ça, on parle de femme, pas de la bouffe, Doudou. Ah bah, quand même, oui, mais c'est la même chose, hein. Si la tarte, elle est pas appétissante, vous en prenez pas, hein. Au restaurant? Bah, non, au poil. Oh, Doudou. Bon, on fait l'horoscope. Allez, les béliers. Alors, des tâches intéressantes s'annoncent. Des nouvelles chances pour votre carrière s'offrent à vous. Les taureaux. Ne craignez pas de faire des erreurs. Un ami vous aidera à prendre des décisions. Bon, les gémeaux. Tout le monde dans votre environnement professionnel ne vous veut pas que du bien. Ça, c'est problème. Les cancers, comme Julie. Ah, grâce à votre position particulière, vous allez régler des problèmes dans votre entourage. Les lions. Moi, je veux bien essayer cette position aussi. Oui, bah, j'imagine bien. Les lions. Si vous avez des bonnes cartes en main, sachez jouer vos atouts au bon moment. Les vierges. Les étoiles vous sont très favorables et votre rayonnement est impressionnant. Les balances. Tout ne va pas toujours comme sur des roulettes, mais avec un peu de travail, tout entrera dans l'ordre. Les scorpions. Vos efforts sur le plan professionnel vont bientôt porter le fruit. Les sagittaires. Restez conséquents et sachez persuader. Hein, ainsi, vous aurez du succès. Les capricornes. Écoutez les bons conseils de vos amis. Les verseaux. Afin d'éviter les problèmes, vous devriez plus que d'ordinaire, oui, prendre les désirs de votre partenaire très au sérieux. Bon, et puis pour finir, les poissons. La traversée du désert de l'amour pour enfin. Il était temps, oui, ça d'arrêter clair. La jachère. Ça ravira tous les poissons, bien sûr. Bon, merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Mais oui, avec plaisir. Eh bien, j'imagine bien, retour de l'horoscope, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. Pitbull arrive dans un instant. Mais avant cela, bien sûr, nous avons maintenant la réponse à la devinette qui colle. Qui est avec nous pour la réponse à la devinette qui colle? Comment tu t'appelles? Bonjour. Evelyne. Salut Evelyne, tu as quel âge, dans quelle ville? 34 ans, à Liège. 30... Ah bon, tu n'as pas l'accent pourtant, hein. Bah merci. Bon, 34 ans à Liège, c'est 99 FM pour écouter Fun partout dans la cité ardente. Et bravo au Standard aussi qui a gagné hier 1-0, hein. Faut oui, le préciser. Oui, tout à fait. Bah oui, faut le préciser. Bon, alors l'énigme, donc la devinette qui colle. Il habite aux antipodes et chez nous on le voit bien peu. Quand il se défend, c'est commode, il prend appui sur sa queue. Qui est-il? Le kangourou. Eh ben le kangourou, effectivement, c'est une bonne réponse. Ça te permet de repartir avec soit un écran plat, soit le pack Nintendo Wii. Que choisis-tu? L'écran plat. L'écran plat. Eh ben l'écran plat, il partira direction Liège sans problème, le plus vite possible. Voilà, gros bisous. Merci, gros bisous aussi. Allez, gros bisous à toi. Ciao, ciao. Ouais, bon, ben voilà une bonne chose de fait, tiens. On remettra le couvert d'ici 5-10 minutes avec une nouvelle et dernière énigme pour ce matin, toujours avec les écrans plats à gagner, ou les packs Nintendo Wii. L'info arrive dans moins de 10 minutes, et puis on fera la déclaration express avec Sébastien Loeb. C'est juste après le son de Pitbull et Marc Anthony maintenant. Rain Over Me sur Fun Radio. Oui, Rain Over Me sur Fun Radio. Bon réveil donc. Okay, voilà. Ça l'a pris de machine. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. 8h22 sur Fun Radio avec Pitbull à l'instant et Marc Anthony, c'était Rain Over Me. Il y aura David Guetta dans un instant avec Usher, ce sera Without You sur Fun Radio. Et puis nous allons maintenant faire la déclaration express avec déclaration express normalement avec Giuseppe, mais malheureusement il décroche pas, hein, un petit peu comme d'habitude, hein. C'est bien dommage. Et donc du coup on va appeler Isa. Alors Giuseppe, il était c'est déjà le copain d'Isa, il voulait comment ça ils se passe sont ensemble depuis deux ans et il voulait raviver la flamme. D'accord. Et donc Lob, d'ailleurs je tiens à te féliciter pour le prix d'Espagne, hein, que tu as gagné. Ah merci. Merci, merci, merci. Écoute avec plaisir, hein, Sébastien Lob qui a donc fini premier, hein, donc il fallait quand même le préciser malgré tout en Citroën. Non mais c'est vrai, il faut pouvoir le préciser. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? Non, je disais bravo. Bah bravo. Merci, bah, merci, tiens, merci à bravo. Merci à et donc Lob qui fait la déclaration express chaque matin. On va donc appeler Isa maintenant et je vous annoncerai la nouvelle énigme qui colle dans un instant. On appelle Isa, Toff ? Allons-y. Eh ben on appelle Isa puisque bah, Giuseppe n'a pas décroché, donc Giuseppe était pourtant le commanditaire de cette déclaration express. Déclaration express qui a été un peu modifiée en dernière minute avec Julie. Oui, mais Mickaël, qui était qui est en modification vite de dernière seconde. A été obligé de. Non mais Mickaël était bien d'accord avec moi donc. Oui, c'était violent. Bon voilà, merci. Allô, allô Isa ? Oui. Salut Isa, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ah bonjour. Ça va bien ? Oui. Bon, je t'appelle de la part de Giuseppe, tu connais Giuseppe ? Oui. Bon, bah tant mieux alors. Bon, Giuseppe nous a appelé et malheureusement n'a pas décroché, il n'a donc pas eu les coronets de passer à l'antenne, hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est son habitude de ne pas avoir les couilles ? Allô ? Oui. Est-ce que c'est son habitude de ne pas avoir de couilles ? Non, il y a un début à tout, hein. Et donc nous allons faire la déclaration express. Écoute bien, cette déclaration express est pour toi. Tu écoutes bien? Oui. Oula, que se passe-t-il là? Voilà, tu écoutes bien donc, ça y est, c'est fait? Ouais. On y va, attention, écoute bien, déclaration express, rien que pour toi ce matin. Deux ans que je t'ai rencontré et dès le tout premier soir on a fait ce que tu sais. Maintenant je te l'avoue, parfois je deviens ouf quand tu me dis bouge du pouf ou que tu ne rasques. Nah. Mais c'est pas chinois d'utiliser un rasoir, c'est pas que ça coûte cher, on n'est pas vraiment des crevards. Tu fais ça dans ta douche à quatre pattes, sinon y'a des bébêtes qui se baladent et ça gratte. Voilà la déclaration express. Donc j'espère qu'elle t'a touché, Isa. Pardon ? J'espère qu'elle t'a touché, la déclaration express. Oui, pas que ça, quoi. Ça l'a rasé, je pense. Non mais je peux préciser un truc. Vas-y. Giuseppe m'a dit quand il m'a dit ouais, tu mets un truc comme ça, mais c'est pour déconner parce qu'elle est toujours bien propre et tout ça. C'est une fille super maniaque. Donc justement, dit lui là-dessus, ça m'a fait chier. Les détails, c'est peut-être pour ça qu'il a pas décroché en fait, parce qu'il a peur de se faire. C'est peut-être ça. Ouais. Donc ça va, c'est une vanne, Isa. C'était du humour. Bon, ben voilà, Isa, tu pourras maintenant le fouetter et plus de sexe pendant un mois, d'accord? Ah, d'accord. Ah, c'est pour la vengeance, hein. Plus de sexe pendant un mois. Terminé, privé de sexe. Voilà. Bon. Non, tu laisses pousser. Mais juste non. Pour qu'il se rende compte de ce que c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ben, gros bisous, Isa. Ça va, d'accord, merci. Passe une bonne journée. Et on va s'écouter le son de Sean Paul sur Fun Radio avec Alexis Jordan maintenant. Got to love you. Et juste derrière, eh bien, la nouvelle énigme du jour. Got to love you. Got to love you. Le son de Sean Paul à l'instant sur Fun Radio avec Alexis Jordan et Got to Love You. Dans un instant, l'info de Julie. Isa, c'était l'auditrice que nous avions à l'instant. L'info de Julie va arriver. Oui, quoi, je peux me tromper de nom quand même, non? Non, tu ne peux pas, non. Oh, dis donc, alors ça y est, elle va nous faire un scandale là maintenant. Ça va, Gérard, hein, je rêve. Bon, la petite devinette qui colle. Alors attention, même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin. De chaque être, elle commence le destin. Qui est-elle? Tout le monde est passé par là. Que ce soit un animal, que ce soit un insecte, que ce soit un être humain, tout le monde est passé par là. Je répète, même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin. De chaque être, elle commence le destin. Qui est-elle? On répond la vie. Ce n'est pas la vie. C'est bah, seul. En fait, ça concerne les hommes et les femmes, mais seules les femmes peuvent le faire. La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, c'est David Guetta qui arrive. Avec Without You sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun. excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et mea culpa, j'ai donné une mauvaise information pour la Divinity Call. J'ai dit seules les femmes peuvent le faire. Donc il y a beaucoup de réponses qui arrivaient en disant l'accouchement. Ce n'est pas ça. Je répète. Seules les femmes peuvent la donner. Voilà, peuvent la donner. Désolé pour le mauvais mot. 8h32 sur Fun. On est en retard. L'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Grève des bus TIB à Bruxelles ce matin. 19 lignes de bus sont concernées. On ignore actuellement si des lignes de tram ou de métro sont touchées. Un procès historique s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Bruxelles. Sur le banc des accusés se trouve la société Eternit. Cette firme a longtemps produit des toitures à base d'amiante à Kappel-Oppdenbos, dans le Brabant flamand. Et c'est une habitante du village qui a intenté cette action en justice. Françoise Jonker est depuis décédée d'un cancer de l'amiante, comme son mari qui travaillait comme ingénieur chez Eternit. Un type de cancer fulgurant qui peut mettre des dizaines d'années avant de se manifester. Deux de leurs 5 fils ont également été emportés par la maladie, mais les 3 survivants poursuivent le combat judiciaire. La société Eternit compte plaider la prescription. Les caisses du fonds des calamités sont vides. Le SPF Finance a reçu de nombreuses plaintes de personnes qui attendent leur argent. Le fonds des calamités dispose d'un budget de 15 millions d'euros, mais tout cet argent a déjà été réparti. En 2011, 2 catastrophes ont été reconnues. Les importantes chutes de neige de la fin de l'année précédente et la tempête du 18 août qui avait notamment provoqué d'importants dégâts et la mort de 5 personnes sur la plaine du festival Pukkelpop. Au cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annemie Turtelbaum, on assure que toutes les personnes concernées par ces catastrophes recevront leur argent. Le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Les chefs d'État de gouvernement européens se sont quittés hier soir sans avoir encore finalisé un paquet de mesures censées répondre définitivement à la crise financière. Et puis l'Europe demande un grand effort à l'Italie pour qu'elle réforme son économie, aussi bien sur le plan budgétaire qu'en matière de marché du travail ou de réforme de la justice. Silvio Berlusconi a promis de s'attaquer dès lundi à la réforme des retraites, dès aujourd'hui donc. À l'étranger, la terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van, faisant, selon un dernier bilan, 217 morts et près de 1000 blessés. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. Tof, arrête de m'embêter. En Libye, le président... Ouais, ça c'est malin. Le président du Conseil national de transition, Mustapha Abed Jalil, a proclamé la libération du pays. Il a également déclaré que la législation du pays sera fondée sur la charia, la loi islamique. Et puis enfin, rapidement, en football, en 11e journée de championnat, Westerlo Anderlecht 1-2, Courtrai FC Bruges 2-1, Standard Zulte Waregem 1-0. Très bien, la météo maintenant sur Fun Radio et David Guetta dans un instant avec Usher, ce sera Without You. Profitez bien de cette journée car c'est sous le soleil qu'elle se déroule. On annonce en plus le retour de la pluie dès demain. Ce matin, maxima entre 1 degré dans les Ardennes et 6 degrés à la mer. Cet après-midi, entre 12 et 16 degrés. Bon, 8h35 sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus. L'info en plus qui parle de chaussures GPS. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi des chaussures GPS? Eh bien, puisse retrouver sa maison. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu pour ça, mais pour qui? Alors surtout, non pas pour les enfants, en tout cas pas pour tout de suite, non pas pour les maris qui peuvent farfouiller ailleurs. En fait, c'est pour les patients d'Alzheimer, donc cette maladie qui est la perte de mémoire. Petit à petit, on perd de plus en plus la mémoire. Et donc, ces chaussures GPS sont donc évidemment des chaussures équipées d'un système de géolocalisation. Elles vont être mises en vente. C'est ça le GPS. Et oui, c'est ça. J'explique pour ceux qui ne le savent pas. On ne sait jamais. Elles vont être. Mais bien sûr, heureusement, merci. Sans toi. Je ne sais pas. Que serait le monde sans Julie? Mais pas grand-chose, à mon avis. En tout cas, ces chaussures vont être vendues aux États-Unis. Pour les personnes souffrant donc de la maladie d'Alzheimer, elles vont être vendues au prix de $300 pour commencer. Et bien, après, ils vont augmenter. Hein, donc. Non, ils vont probablement descendre, justement. Je t'expliquerai après l'économie, comment ça fonctionne. Ouais, mais je ne me rends pas compte avec l'iPhone. Hein. Mais pas vrai. Mais ça, c'est un petit peu différent. Et bien, si. Alors, le fabricant explique que si vous habillez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer avec quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle s'en débarrassera. Par exemple, si tu lui mets une montre équipée d'un GPS, si elle n'a jamais porté de montre avant, elle ne va pas comprendre, elle va l'enlever. Alors que les chaussures, forcément. Elle va les garder. Ouais, elle ne va pas se souvenir qu'elle a mis une montre. Voilà. Et non, c'est ça, voilà. Exactement. Alors, juste petit chiffre, 85 000 personnes en souffrent en Belgique de cette maladie et ça touche quand même des millions de personnes dans le monde. Donc, c'est quand même bonne petite invention. C'est pas mal. Ça peut servir, je pense. Ouais. 8h36 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle, là, vite fait maintenant, hein, puisque j'avais donné un mauvais exemple, mais bon, je vous ai peut-être éventuellement mis dans une voie de garage. Même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est le début et jamais la fin. De chaque être, elle commence le destin. C'est arrivé à tout le monde aujourd'hui, vivant et même décédé d'ailleurs. Tous ceux qui ont foulé le sol de la Terre sont passés par là, que ce soit des animaux, des insectes ou même des êtres humains, évidemment. Donc si vous avez la bonne réponse, qui est-elle? La bonne réponse, j'avais dit que seules les femmes peuvent le faire, mais en fait non, peuvent la donner. Voilà, on proposait la vie, ce n'est pas la bonne réponse. L'accouchement non plus, c'est pas la bonne réponse. L'ovulation, et oui, les femmes peuvent donner l'ovulation. Oui, mais l'ovulation. Mais l'ovulation, non. Voilà, bonne réponse au 6322. C'est les écrans plats qui sont à gagner ce matin. Écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Bonne chance. Dans un instant sur Fun Radio, on écoute, même maintenant, tiens, David Guetta avec Without You. David Guetta et Usher sur Fun Radio. Bonne matinée, bon réveil et bon début de semaine avec Fun. Le son de David Guetta sur Fun Radio avec Usher, c'était Without You, il est 9h-20 sur Fun Radio. Tout à l'heure, on vous passera la suite. Alors, souvenez-vous, non, je vous l'annonce pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, que vendredi soir, il y a eu L'amour est aveugle sur TF1, hein, cette grande émission. Je vais pas dire de culturel. Ils ont donc osé remettre ça à l'antenne. Non, culturel. Ils n'ont peur de rien. Voilà, émission culturelle qui aurait pu avoir sa place sur Arte. Mais bon, oui, finalement, c'est TF1 qui l'a eu. Et donc, L'amour est aveugle, c'est trois hommes, trois femmes qui sont donc dans une maison, hein, et qui ne peuvent se rencontrer que dans le noir total. Donc, ça veut dire qu'ils font connaissance, mais sans se voir. Et puis, à la fin, évidemment, c'est le physique, ils se découvrent, etc. En vrai, comment ça va se passer? Et là, ils se jettent. Quoi qu'il en soit, il y a eu pas mal de phrases... qui deviendront mythiques, notamment celle-là. L'expérience aura réussi si jamais je rencontre la femme avec un grand A. Voilà. Je ne demande pas une Claudia Choufleur, quoi. Oui, Choufleur. Ah oui, Choufleur. Voilà, bon. Et donc, du coup, nous aurons dans un instant la réaction de quand ils se sont vus. Vous avez vu, donc, ils font connaissance pendant une heure, là. Non, c'est deux jours. C'est deux jours, enfin, à la télé, pendant une heure. Et puis après, ils se découvrent, en vrai, quelles vont être ses réactions. Nous aurons la réponse d'ici une demi-heure. Restez bien là, on vous remboursera vos factures aussi dans un instant sur Fun. Et on écoutera le son de Tini Tempa, j'adore, avec Wiz Khalifa. Till I'm gone, I'll be back one day. Ça va arriver dans un instant, on parlera de l'infotrafic aussi. Il est 8h42 sur Fun. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Il est 9h15 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Faisons un tour du côté de ce qui se passe sur les routes maintenant au niveau des problèmes, évidemment. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles, autour de Braine-le-Château. C'est donc deux bandes qui sont obstruées au kilomètre 74.1. Accident sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Wanfersee-Boulet. Non, c'est très joli. Bande qui est obstruée. Non. Une voiture est sur le toit. C'est grave quand même, attendez. Une voiture est sur le toit contre la berne centrale au kilomètre 69.7. Très bien. Et il y a un auditeur aussi, ça. Qui nous signale un accident sur la E42, bouchon de Sambreville à Spy vers Namur. 4 km de bouchon. Voilà, bon courage à tout le monde alors. Hein. Oui, tout va bien ce matin, tranquille, ouais. Donc bon courage à tout le monde. Allez, c'est parti maintenant pour le dernier rendez-vous avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun, 7h, 8h et 9h moins quart, avec les meilleurs messages. Je vous le rappelle que depuis tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'en fait, on pouvait un petit peu élargir la ligne anti-relou. C'est vrai qu'on se coltinait pour l'instant à donner cette ligne anti-relou uniquement à ceux qui venaient vous draguer, les filles, etc. Au final, ça peut se donner à tout le monde. Les relous, ils peuvent avoir des métiers, les relous, comme banquier par exemple, comme prof, comme je sais pas moi, le fisc. Mais oh oui, le fisc est un bon relou. Voilà, la police. Alors, ce sont les meilleurs relous. Ah ouais, c'est clair, ils vont être contents, tiens. Bon, si vous voulez donner ce numéro, il est là pour vous. Ligne anti-relou, 0473 86 0013. Et on va commencer avec le premier, là. Oui, coucou Gislaine, j'ai vu le numéro de téléphone gravé sur un numéro de bus 0403 et voilà, j'aimerais bien faire prise en connaissance. Voilà. Tu es tellement belle, tellement bonne, que j'aimerais bien faire plus en connaissance avec toi, voilà Gislaine, voilà. Mm-hmm. J'ai fait des énormes gros bisous. Oui, et je pense à toi. Donc Sylvain, c'est qu'il dit qu'il a vu quand même le numéro gravé sur un numéro de bus. C'est quand même délicat, c'est parce qu'il faut quand même monter avec une échelle devant la vitre là et c'est graver le truc sur le numéro. C'est quand même assez compliqué. Il la trouve super méga belle, il pense beaucoup à elle, elle est super bonne, alors qu'en fait il ne l'a jamais vu que son numéro gravé dans le bus. C'est quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est bien. Il est déjà amoureux. Ouais, il est bien ce garçon. Deuxième message. Oui, ma petite Julie, c'est Arnaud, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux bien écouter? J'ai la kékette qui colle, j'ai les bonbons qui font les bœufs, j'ai la kékette qui colle, j'ai la kékette qui colle, j'ai la kékette qui colle. T'as bien aimé. Allez, ma grande, je te souhaite une bonne journée. Ciao, mon ami. Il voulait dire mon amour, hein, je pense. Hein. Eh bien, ciao, merci, mon ami. À toi aussi, je te souhaite une belle journée. Mais oui, bonne journée à toi aussi. Et c'est bon. Là qu'on voit que Julie a des fans vraiment sympas. Ah, ben bien sûr. Ah, oui, non, mais là, évidemment, moi, j'ai les meilleurs. Avoir les fans de Julie, c'est ah, vrai. Moi, j'ai les meilleurs. Allez, troisième et dernier message pour ce matin. Bonjour, cocotte, c'est Brian. Normalement, je devais me retrouver chez toi, mais bon, tu n'es toujours pas là. D'ailleurs, il y a le vieil homme qui m'a dit que. Il n'y avait pas de jeune fille qui habitait là, donc je pense que tu t'es bien foutu de la gueule. Mais bon, de toute façon, je te retrouverai. Dès que je te retrouverai, je te ferai du mal. Ciao. Oui, très sympathique, le monsieur. Bienvenue sur Psycho FM. Tout à fait. Ah oui, très très sympathique. Bon, le retour de l'Alliant Tirelou sera demain, bien sûr, dès 6h. Retenez le numéro 0473 86 0013. Et à 8h48, avant d'appeler les gens pour les casser un petit peu, c'est Tini Tempa maintenant sur Fun. Le son de Tini Tempa et Wiz Khalifa sur Fun Radio, Till I'm Gone. Message qui dit Wan Fers Bolé, c'est entre Fleuris et Namur. Mort de rire, revois ta Géo, Julie. Et Mickaël, va te faire foutre. Eh ben très bien, j'ai une réponse également à te donner. Tu as dit d'aller te faire foutre. Eh ben voilà, tiens, comme ça c'est payé, tiens. 8h52 sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'il expliquait l'autre C'est entre Fleuris. Ouais, Wan Fers Bolé, c'est attends, entre Fleuris et Namur. J'ai jamais dit que je savais pas où c'était. Hein. Mais si, t'as dit je sais pas où c'est, je crois que c'est vers Arlon. Jamais rien dit. Si, on est témoins, on est témoins. Bah, évidemment, réécoutez, j'ai juste trouvé ça très rigolo à prononcer. J'ai jamais dit que je savais pas où c'était. Que tu ne savais absolument pas où c'était. On vous embrasse très fort cet auditeur qui, apparemment, on est fan de nous. C'est vrai. Alors que c'est une très belle ville, Wan Fers Bolé. Exactement. Bon, allez, on va appeler maintenant pour. On va aller à Herstal, parce que je rappelle que ce matin, Toff, en fonction d'une info qu'il a trouvée en France, là. Non, enfin, c'est pas en France. C'est-à-dire que je lisais les informations ce matin en arrivant à la radio et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. Bah, bien sûr. C'est l'Académie nationale de chirurgie française qui parle de la taille des pénis. Et donc, en moyenne, on serait entre 9 et 9,5 au repos et. En érection, on passerait à 12,8 jusqu'à 14,5. Voilà, donc on vérifie si la Belgique est bien classée. Bah, on vérifie surtout si la Belgique est supérieure à la France. Voilà, c'est ça. Donc on appelle depuis ce matin. Ça s'est plutôt mal passé, hein, puisque tout à l'heure on a appelé à la Buissière et ça a donné ça. Tu as dit d'aller te faire foutre. Voilà, donc forcément c'était pas terrible. Hein. Donc on va appeler maintenant Herstal. Hein. Oui, appelons Herstal. Allez, c'est parti. Je sens qu'on va tomber sur des gens beaucoup plus sympathiques. Ah oui, certainement. On y va, on appelle Herstal maintenant. C'est parti. On avait appelé le mari d'Isa aussi tout à l'heure, une auditrice. Oui. Un homme très charmant. Oui. Allô. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour vérifier un sondage. Quoi ? Oui, donc en France, il y a un sondage qui vient de sortir qui dit que les hommes ont le sexe d'environ 9 cm et demi et autour de 12 à 14 cm et demi en érection. Alors je voulais savoir en Belgique comment ça se passait. Ah, j'ai pas moi. Donc oui. Donc quelle est la taille de votre sexe en érection ? Ah non. Oui, non. À peu près, en chiffres. Pas grand-chose, hein. Donc ça, c'est fait. Non, hein. Ça n'a pas été possible. Ah, tant pis, on va rappeler. Hein. Bah oui. Bah oui, allez, c'est parti. Oui. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas eu le temps de me dire. S'il vous plaît. Vous n'avez pas eu le temps de me dire la taille de votre sexe en érection. Oh là là. Monsieur. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Je voudrais savoir combien mesure votre sexe en érection. Quand vous prenez du Viagra, ça fait combien ? J'ai eu lui. Très bien, on va le rappeler encore une fois parce que on l'a pas tout compris. Hein. Mais non, il parle un peu dans ce qui lui reste dedans. Peut-être. Bon, il me semble qu'on l'avait déjà eu la semaine dernière. Cette voix ne m'est pas inconnue. Oui. Oui, je n'ai pas bien compris la taille que vous m'avez donnée. J'ai dit. Oui, c'est combien ? Eh ben voilà, comme ça c'est fait. Hein. Ça y est, c'est plié. Hein. Bon, et ben, je suis pas sûr que ce soit le même, hein, parce que normalement, j'appelle pas dans les mails les gens avec les mêmes noms. Bah oui, mais c'est bizarre, hein, peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, il y a peut-être deux personnes qui parlent pareil. Ouais, ou alors c'est sa femme, mais normalement. C'est possible, c'est possible. Bon, et ben voilà, on rappellera dès demain à partir de 6h du mat sur Fun Radio. On est là jusqu'à 9h30, donc on a encore un petit peu de temps. On remboursera vos factures dans un instant. Et puis toujours les écrans plats à gagner ou les Nintendo Wii. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin de chaque être. Elle commence le destin. Tout être humain ou animal ou insecte y est passé obligatoirement et seule la femme peut la donner. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner, écran plat ou simplement des packs Nintendo Wii. C'est vous qui choisirez. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer. Et puis Nadia Ali, on écoute maintenant le son de Pressure sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous, il est 8h56. Le son de Nadia Ali sur Fun. Et restez là dans un instant, c'est Lucenzo qui arrive avec Danza Kuduro. Et si vous aimez ce style de musique, je vous le rappelle encore une fois, comme d'hab, hein, tous les vendredis soirs, minuit, 1h du mat, c'est l'Invasion Latina sur Fun avec Manu. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Et à 8h59 sur Fun Radio, nous allons dans un instant passer à l'info, évidemment, avec Julie. Et puis je vous explique comment faire pour rembourser vos factures. C'est maintenant que ça se passe. 63-22, débutez votre message par facture. C'est 1€ le message. Vous mettez le montant et l'objet de la facture. Et on vous appelle en direct d'ici quelques minutes, dans même pas 10 minutes d'ailleurs, pour vous rembourser vos factures. Comme une facture qui est arrivée, 60€ pour les cours d'équitation, 49,99€ pour Battlefield 3, 34,61€, mais on ne sait pas pourquoi malheureusement, 129€ pour Spimut, 130€ aussi, mais on ne sait pas pourquoi, c'est Grégory qui avait envoyé ça, 147€ pour un implant contraceptif, 149€ pour la taxe poubelle, c'est Carole. Bref, si vous aussi vous voulez avoir une chance qu'on vous rembourse vos factures, vous nous envoyez un petit SMS, 63-22, c'est 1€ le message, vous mettez le montant et l'objet de la facture, et on vous appelle peut-être chez vous dans moins de 10 minutes. Restez bien à l'écoute de Fun. Et on passe aux infos maintenant à 9h pile avec Julie. Bonjour à tous, grève des bus TIB à Bruxelles ce matin. C'est au dépôt de Jacques Brel que les chauffeurs se croisent les bras. 19 lignes de bus sont concernées. Une altercation entre un chauffeur et un passager samedi dernier serait à l'origine de cette action spontanée. On ignore actuellement si des lignes de tram ou de métro sont touchées. Un procès historique s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Bruxelles. Sur le banc des accusés se trouve la société Eternit. Cette firme a longtemps produit des toitures à base d'amiante à Kappel op den Bos dans le Brabant flamand. Et c'est une habitante du village qui a intenté cette action en justice. Françoise Jonker est depuis décédée d'un cancer de l'amiante, comme son mari qui travaillait comme ingénieur chez Eternit. Deux de leurs 5 fils ont également été emportés par la maladie. Mais les 3 survivants poursuivent le combat judiciaire. La société Eternit compte plaider la prescription. Les caisses du fonds des calamités sont vides. Le SPF Finance a reçu de nombreuses plaintes de personnes qui attendent leur argent. Le fonds des calamités dispose d'un budget de base de 15 millions d'euros, mais tout cet argent a déjà été réparti. En 2011, 2 catastrophes ont été reconnues, les importantes chutes de neige de la fin de l'année précédente et la tempête du 18 août. Au cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annemie Turtelbaum, on assure que toutes les personnes concernées par ces catastrophes recevront leur argent. À Crêpes, près de Spa, plusieurs tombes ont été saccagées dans le cimetière. Les vandales ont sans doute agi entre le 9 et le 10 octobre dernier. Ils ont brisé des pots de fleurs, des statuettes, des plaques de verre. Ils ont aussi emporté des plaques commémoratives. En tout, une dizaine de sépultures ont été dégradées. Le sommet européen est suspendu jusqu'à mercredi. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont quittés hier soir sans avoir encore finalisé un paquet de mesures censées répondre définitivement à la crise financière. Et puis l'Europe demande un grand effort à l'Italie pour qu'elle réforme son économie. Silvio Berlusconi a promis de s'attaquer à la réforme des retraites. À l'étranger, la terre a tremblé hier en Turquie. Le séisme de magnitude 7,2 a secoué la province orientale de Van, faisant, selon un dernier bilan, 217 morts et près de 1000 blessés. En Tunisie, gros succès de foule pour les élections. Près de 70% des Tunisiens se sont rendus aux urnes. Les résultats seront connus demain. Et puis enfin, en sport football, en 11e journée de championnat, hier, Westerlo s'est incliné face à Anderlecht 1-2. Courtrai a battu le FC Bruges 2-1 et le Standard l'a emporté face à Zulte Waregem 1-0. Et restez bien sur Fun Radio, il y a Lucenzo qui arrive avec Don Omar, ça sera Danza Kuduro sur Fun. Mais avançons, on va passer à la météo maintenant. Oui, la météo, et bien profitez bien. Voilà, j'attendais mon jingle. Mais ça fait 4 fois que je pose sur le bouton comme un acharné. C'est pour ça que tu avais une tête un peu comme ça. C'est ça. Et bien profitez bien de cette journée sous le soleil car on attend le retour de la pluie dès demain. Maxima ce matin entre 1 et 6 degrés, cet après-midi entre 12 et 16 degrés. Très bien, 9h03 sur Fun Radio. Restez avec nous dans 30 secondes, nous aurons l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On va maintenant parler évidemment de l'info en plus. Eh bien l'info en plus, elle parle d'excréments. Ah, ça j'aime bien. Bah, bon appétit, hein, si vous vous réveillez, bon là, vous êtes en train de prendre le petit déj. Allez, hop là. Alors, c'est un homme en Irlande du Nord qui s'est laissé aller à tenter une petite expérience plutôt bizarre. Oui, il a essayé de créer de l'or à partir de ses excréments, mais donc de son caca, pour ceux qui n'auraient pas compris. Idée. Et le problème, c'est qu'il a foutu le feu à son immeuble en tentant de changer donc son caca en or. En fait, l'homme de 30 ans, qui a été condamné à 3 mois de prison quand même, a essayé de transformer donc son caca en or en le mettant dans un chauffage électrique. Bien sûr, mais c'est tellement normal. Voilà, le problème, c'est que cette expérience a mis le feu à l'immeuble, occasionnant forcément des milliers d'euros de dégâts. Donc il est passé devant le tribunal, forcément, il a été jugé donc à 3 mois de prison, et j'aime beaucoup quand même la phrase du juge qui lui dit « Une expérience intéressante, mais vouée à l'échec. » C'est sûr. Hein. Alors, sans grande surprise, son expérience est un tout petit peu liée quand même à l'abus de drogue. Ah oui, bah c'est contraire aux oreilles étonnées, tiens. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça, oui, il vaut mieux éviter, effectivement. Bon, 9h05 sur Fun Radio, dans un instant, remboursement cash des factures. 6322 en débutant votre message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. Je vous rappelle que ça marche que si vous mettez facture en début de message et puis le montant et l'objet. Il y en a plein qui m'envoient le montant et l'objet, mais sans mettre facture devant. Du coup, ça n'arrive pas au bon endroit, donc on ne peut pas lire vos messages. Donc 6322, code facture, le montant et l'objet de la facture, et on vous appelle dans 3 minutes 13. Le temps d'écouter maintenant Lucenzo et Don Omar sur Fun Radio. À 9h05, c'est Danza Kuduro. Bonne matinée sur Fun Radio. Le son de Lucenzo à l'instant avec Don Omar sur Fun Radio. C'était Danza Kuduro. Il est 9h08 sur Fun. Bonne matinée tout le monde. Il y aura l'info de Julie. Ça, ce sera tout à l'heure à 10h avec Lucas dans le self. Lucas qui arrive d'ailleurs d'ici 20 bonnes minutes. Hein. Lucas qui sera là pour le self. Vous choisirez, vous ferez la prog avec lui. Comme chaque matin d'ailleurs, pour le principe est relativement simple. Un petit SMS au 3044 en début de message self. Et puis le morceau que vous voulez entendre. 50 centimes le message ou gratuitement sur son mail lucas@funradio.be. On va rembourser les factures maintenant. C'est comme chaque matin sur Fun, avec notamment pas mal qui sont arrivés là. 120€ pour l'assurance voiture, 101€ pour le magasin Maxi Toys. Qu'est-ce qu'il y a également? 30€ pour une carte recharge de téléphone. Oui, ok, d'accord. Mais enfin, 467 000€ pour l'achat d'une maison. LOL. Oui, bien sûr. LOL, content donc que tu aies mis LOL derrière, parce que c'est des dépenses journalières, on va dire ça comme ça. Hein. Si vous achetez une maison ou une voiture, ça marchera pas. Hein. C'est des trucs qu'on peut acheter ou qu'il faut payer au moins. Bah, un truc comme ça quoi. Non, moi je trouve ça bien que le mec il ait mis LOL et qu'il ait dépensé 1€ pour nous faire une petite blagounette. Mais c'est là qu'on voit que les auditeurs ont de folles d'argent, hein, parce qu'il y a quand même une maison à 500 000€, hein, c'est pas mal. Ah ouais, j'avoue. Bah, ça doit être une belle maison. C'est une belle maison, plus les frais de notaire, c'est une très très belle maison. Là. Bien chère la maison. Hein. Mais bon, on sait tous que Julie a pu acheter une maison qui vaut deux fois ça. Ouais, moi j'en achète 3 comme ça. D'ailleurs, vu le prix, je suppute qu'il y ait une piscine, peut-être couverte, donc n'hésite pas, bien sûr, nous pouvons devenir amis. Ah oui, nous pouvons. Peut-être faire une émission de chez toi, si possible. Mais par exemple, Fun Radio ou Mickaël à la radio peut se déplacer chez les auditeurs, faire l'émission en direct de chez eux, seulement évidemment. S'il y a piscine intérieure. Bien entendu. Et là, il va te dire, oui, mais quand est-ce que tu me rembourses la facture? Oh, bah quand il veut. Ah non, mais à ce moment-là, attends, à ce moment-là, non. Et d'ailleurs, si vous nous invitez, vous avez une piscine chauffée intérieure, vous verrez Julie en bikini. Ah. Et ça vaut le coup. Ça vaut peut-être l'investissement. Bon, on appelle et on rembourse combien? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Oui. Non, c'est pas la réponse que j'attends. Facture. Non. Qui paye les factures le matin? C'est moi. Non. Encore une fois, après c'est perdu, ça, attention. C'est ça, ça va être toi, oui. Ouais. Je répète, qui paye les factures le matin? Fun Radio. Ah, t'as dit quoi? J'ai dit Fun Radio. D'accord. Bon, alors ça va, j'avais compris autre chose. Bon, et tout juste sur le fil, hein. Attention, la prochaine fois, je serai moins gentil. Ça fait deux fois, là, déjà, que je laisse 3 possibilités de réponse. Hein. Je suis troublé, là. Mais il n'y a pas de problème, tu es troublé, il n'y a pas de souci. C'est pas facile. Mais oui, je sais, mais c'est cette belle voix. Regarde, quand je m'entends, regarde, attends, je vais enlever toutes les musiques, là. Attends, 1, 2, 3. Oh, mon Dieu, quelle magnifique. Ouais. Oh là là, extraordinaire. En fait, c'était créé pour toi, le concept l'amour est aveugle ou je sais pas oui, quoi. Oui, tout à fait, exactement. L'amour est moi-même. Bon, comment tu t'appelles? Véronique. Véronique, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? À Liège. À Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio dans la cité ardente. Et on va rembourser combien, Tof, du coup, alors 60 euros. Ah, 60 euros, c'est pour payer quoi, Véronique, 60 euros C'est pour payer, en fait, des cours de dressage pour ma petite fille à la Mais tu as bien raison, il faut dresser les enfants de nos jours. Non, attends, je pense qu'elle a pas dû finir sa phrase pour le chien, j'imagine. Oui, dressage de quoi? Non. Un stage d'équitation. Ah, d'accord, ok. Eh ben écoute, pas de problème, on va te rembourser tes 60 euros sans aucun souci, Véronique. Eh ben c'est très gentil, merci, bonne journée. Eh ben bonne journée à toi également. Gros bisous, Véro. Et on remet le couvert demain, bien évidemment. Reste au standard, hein, surtout, Véronique. On remet le couvert dès demain avec le remboursement des factures à partir de 6h. Les inscriptions dès maintenant, si vous le souhaitez. 6322, débutez votre message par... Facture, merci de suivre. Facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un petit instant, la réponse à la devinette qui colle. Dans un petit instant, l'horoscope. Ouais. Et dans un petit instant également, les réactions de L'amour est aveugle. On vous a passé les rencontres tout à l'heure. Il y aura dans un instant les sons avec les rencontres quand ils se sont vus l'un l'autre. Vous allez voir. Et on écoute Mutton Heads maintenant sur Fun Radio avec Eden Martin, c'est Trust You Again. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Mutton Heads sur Fun Radio avec Eden Martin, c'était Trust You Again. Dans un instant, les rencontres de l'amour est aveugle. Et avant ça, l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope, bien sûr, comme chaque matin sur Fun Radio avec Doudou. Non, Doudou, vous ne dites rien. Hein. Ah bon? Non, Doudou. Mais... Vous en avez assez dit pour ce matin, ça va aller quand même, hein, d'accord? Rien du tout, Doudou. Vous avez été dégueulasse ce matin, c'est bon avec votre histoire de tarte, là. Tout c'est ça pour une histoire de tarte? Ouais, justement, ouais. Bon, allez, on fait l'horoscope. Ah bon? Bah alors, des tâches intéressantes s'annoncent, de nouvelles chances pour votre carrière s'offrent à vous. Voilà, ça c'était pour les béliers, les taureaux maintenant. Taureaux, ne craignez pas de faire des erreurs. Un ami vous aidera à prendre des décisions. Les gémeaux. Tout le monde dans votre environnement professionnel ne vous veut pas que du bien. Les cancers. Et Julie qui est là, qui attend ça depuis 2 heures, elle est là en train de se sauter. Je trépigne. Oui, d'ailleurs, en parlant de sauter, grâce à votre position particulière, vous allez régler des problèmes dans votre entourage. Ah, bah écoute. Voilà. Je veux bien l'essayer, cette position. Hein. Les lions. Si vous avez des bonnes cartes en main, sachez jouer vos atouts au bon moment. Les vierges. Les étoiles vont vous être très favorables et votre rayonnement est impressionnant. Les balances. Tout ne va pas toujours comme sur des roulettes, mais avec un peu de travail, tout rentrera dans l'ordre. Les scorpions. Vos efforts sur le plan professionnel vont bientôt porter le fruit. Les sagittaires. Restez conséquents et sachez persuader ainsi. Ainsi, vous aurez du succès, oui. Bah oui, les capricornes. Écoutez les bons conseils de vos amis. Les Verseaux. Afin d'éviter les problèmes, vous devriez plus que d'ordinaire prendre les désirs de vos partenaires au sérieux. Bien sûr, et enfin les poissons pour terminer. La traversée du désert de l'amour pour enfin. Eh oui. Il était temps, vous allez faire travailler le poireau. Oui, merci Doudou. Bon, passez une bonne journée Doudou. Hein. Bah de rien. Et on vous retrouve demain à partir de 6h. Bien sûr. Pour une nouvelle édition de l'horoscope. Dans un instant, il y aura L'amour est aveugle. Tout à l'heure, on vous a diffusé les moments où ils se sont rencontrés, les moments où ils se sont présentés, voilà, c'est ça. Et maintenant, et dans 2-3 minutes après Niro, ce sera le moment où ils se sont rencontrés, ouais. Je vais y arriver à tout mettre dans l'ordre. Ouais, c'est difficile. Bah, je sais, j'ai un petit peu de mal. Les mots, les auditeurs n'auront qu'à faire des phrases, c'est tout. C'est ça, exactement, ce sera le concept dorénavant. Tu fais rencontre, amour, voilà. Suite, partie. Et tout à l'heure, lors de leur présentation, ça a donné ça, par exemple. L'expérience aura réussi si jamais je rencontre la femme avec un grand A. Je demande pas une Claudia Choufleur, quoi. Eh oui, non, Claudia Choufleur, bien évidemment, voilà. Et Heidi Chou de Bruxelles, c'est bien ça. Bon, bah tout dans quelques instants, on donnera évidemment la réponse à la devinette qui colle. Et donc, les rencontres de L'amour est aveugle sur Fun Radio. 9h19, bonne matinée, on va s'écouter le son de Niro maintenant. C'est Promises sur Fun, bonne matinée. Jadine allait te faire foutre. 9h22 sur Fun, c'était Niro à l'instant, Promises, et message qui est arrivé. Coucou, comment vous allez bien? J'ai une piscine intérieure, je vous invite quand vous voulez. C'est Marie. Marie, nous sommes susceptibles de venir à tout moment, sache-le. D'ailleurs, Tof a dit, je l'appelle, hein, je vais prendre rendez-vous avec elle, je vais l'appeler. Tof est déjà au taquet. Ah oui, donc je pense qu'il va t'appeler dans pas longtemps, je pense. Bon, très bien. 9h22 sur Fun Radio, on va parler maintenant de L'amour est aveugle. En attendant, avec impatience, demain, l'amour est dans le pré. Ah oui. Oui. Enfin, ça sera pour demain. Chaque chose en son temps. C'est toujours une question d'amour en ce moment. Ben c'est ça, chaque chose en son temps. Alors, l'amour est aveugle. Tout à l'heure, on vous a diffusé les moments où il se présentait, les débiles, hein, on peut dire ça comme ça. C'est ça, où il se touchait dans le noir. Voilà, c'est ça. Et maintenant, arrive le moment où le concept de l'amour est aveugle. C'est trois personnes, trois hommes, trois femmes, qui font connaissance, mais uniquement dans le noir. Ils ne se voient pas. Et donc, à un moment, à la fin, quand ils disent, ah ben oui, il est bien ce garçon, elle est bien cette fille, etc. Elle a l'air chouette, elle a l'air cool. Ils peuvent se toucher pour essayer de deviner un peu la forme du visage, tout ça. Donc forcément arrive le moment où ils sont peut-être un petit peu amoureux, où il y a un petit coup de foudre quand même, mais bon, on ne connaît pas le physique. Il y en a quelques-uns qui se galochaient bien. Ouais, je sais, ouais. Mais et donc du coup, bien sûr. Deuxième rencard, c'était déjà en train de se rouler des pelles et tout. Voilà. Ah. Et donc du coup, le problème, c'est qu'arrive le moment où il y a la rencontre où ils se voient en vrai, à la lumière, évidemment. L'amour est aveugle, mais évidemment quand on se rencontre dans le noir, on est parfois surpris au grand jour. C'est vrai, c'est pas mon style du tout. Ouais, c'est-à-dire physiquement, c'est pas mon style. Elle est comment ? C'est pas du tout une chinoise, je me suis trompé. Ah ouais. C'est pas du tout une chinoise, je me suis trompé. Il voulait une chinoise. Ah ouais, il voulait une chinoise, hein. C'est raté. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, il y a aussi les neuneux, hein, qui, quand ils rencontrent une italienne, bah, ils sont déçus qu'elle soit pas. Je m'attendais à une autre beauté. Une beauté plus slave. Et là, c'est une beauté du sud, réelle, réelle du sud. Voilà, le mec, il est pas content. C'est-à-dire que la nana. Il est con. Parce que la nana, elle parlait quand même, enfin, tu vois, on a entendu son accent, c'était quand même improbable. Comment est-ce qu'il pouvait espérer que la meuf soit blonde, quoi. Bah oui, bah, je voulais simplement vous dire que ça, elle était slave. Ah bon, bah écoute, en tout cas, j'y croyais. Hein. Ouais, c'est ça, je ne comprends pas. Bon, maintenant, prenons l'avis de cette italienne, justement, au sujet de son étalon. C'est un beau mec. À mon avis, ce sera le plus beau des trois. Ah, c'est pas celui-là que je devais mettre ? Non, ça, c'est Julie. Ah bah oui, j'ai pas l'autre. Bah voilà, bah tant pis, comme ça, c'est moi. Il me semble bien qu'il en manquait un. Bon, on le mettra tout à l'heure, alors. Hein. Et donc, la seule qui semble heureuse, comme toujours, bien entendu, justement, eh ben, c'est Julie. Écoutez. C'est un beau mec. À mon avis, ce sera le plus beau des trois. Bah, t'as fait le bon choix. Ah oui, je pense que j'ai fait le bon choix. Ah oui, j'ai l'air excité, oh mon Dieu. Je me touche les tétons. J'ai trouvé le plus beau, qu'il était beau d'ailleurs, c'était cet homme magnifique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le parallèle avec notre Julie. Hein. C'est ah pareil. Oui. quand tu parles de ton mec. Ah ouais, mais c'est qu'il est beau, ah oui, c'est le plus beau. C'est mon chéri, c'est pour ça que c'est le plus beau. Mais oui, oh, qu'il est beau. Là, c'est l'homme le plus magnifique de la Terre. Je vais décaper tout le week-end. Oui, même sur Mars, il n'y a pas des plus beaux. 9h25 sur Fun Radio. Dans un instant, on donne la réponse. C'est la musique qui parle, c'est ça. Pas du tout. On est bien plus beau que lui, c'est toi qui es aveugle, c'est pareil. 9h25 sur Fun. Dans un instant, on vous appelle pour la devinette qui colle. Et avant ça, on écoute le son de The Wanted avec Glad You Came. The sun came. Le son de The Wanted à l'instant, Glad You Came sur Fun Radio, 9h28 dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer pour le self comme chaque matin. Et là nous avons la réponse maintenant avec comment s'appelle la réponse d'ailleurs? Comment s'appelle la réponse, s'il te plaît? Elle s'appelle Logan. Bonjour Logan, comment vas-tu? Bien, bonjour. Tu es en pleine forme Logan? Ah, bien sûr, en train de travailler à la chaîne. Ah, tu travailles. Logan, la patate. Mais oui, tu travailles à la chaîne, donc. Bah oui, j'imagine. Et bon, bah très bien, tu fais quoi comme taf exactement? Quelques kilomètres de la radio. Ah, est-ce qu'il y a une porte de polo qui traîne quelque non, part? Non, c'est des Audi maintenant. Audi maintenant. Ouais, c'est Audi 1, c'est ça? C'est ça que vous faites chez à Forêt, là hein? Ouais, d'accord, ok. Tu peux me mettre une perdue sur le côté? Ouais, moi aussi, tiens. Ça va être chaud. Non, mais arrête. Non, mais attends, mais quand je passe à côté, il y a tellement de caisses sur le parking qu'une de plus, une de moins. Voilà, est-ce qu'ils vont vraiment voir celle qui manque, non? Il y en a tellement, personne ne va voir la différence. Non, mais nous, c'est carrément, on veut la voir complètement, hein. C'est à donner, c'est différent. Ah ouais, c'est clair, ouais. Bon, alors du coup, Logan, tu as la réponse à la devinette qui colle, je vais te la répéter maintenant pour être sûr. Alors, même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin de chaque être, elle commence le destin qui est elle. La naissance, mais oui, c'est une bonne réponse. Bravo Logan, tu repars avec un écran plat ou avec un pack Nintendo Wii, tu choisis quoi? j'emmène avec ma femme vendredi prochain. Tu prends l'écran plein. Eh ben, y a pas de souci, on va t'envoyer ça. Y a pas de problème, Logan. Passe une bonne journée. Eh ben, c'est gentil. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir, en tout cas. Bon, je passerai chez Audi pour prendre la voiture perdue, alors. Hein. Bon, ça marche. Allez, salut à toi, ciao. Bon, bah 9h31 sur Fun. On va se quitter. Avait, hein. C'est vrai. On prenait rien non plus. On va se quitter là. Bonne journée, Julie. Salut, Mickaël. Bon sport. Mais pourquoi sport? Ah, je pensais que t'allais faire du sport. Bah pour perdre toute cette cellulite. N'importe quoi. Allez, rendez-vous demain à partir de 6h du mat. Loupez pas Jasmine tout à l'heure, Pure Dance Floor. Ensuite, c'est bien sûr Evan avec toute la tribu. Et la libre antenne de Vince qui sera de retour avec pas mal de péripéties. Vous inquiétez pas, il vous expliquera ça à partir de 20h. Rendez-vous demain 6h. Je ne sais pas si je reviens demain. Bon, ça va aller, t'inquiète pas. Mais reviens en courant alors par contre. Hein. Vous pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Je suis allé te faire foutre.